Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. And McKinnon. We are old. We are young. We are America. General, General, avec vous. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Une offense, un accident de rue, une parenthèse inattendue, un indigène sans retenue, fille de joie, femme de peine. Voici mon bouquet de chrysanthèmes. Je vous hais putain, je vous salis catin. J'aurais dû prévoir, jamais plus d'un soir. We'll be right back. Je te chasse en Saturne, sale garce, sale brune. Propose donc ta lune, qui fera ta fortune. Primitive et ses noms manquants, air d'ortie, pousse de chien d'an. Je referme la parenthèse, pour mon argile, ma terre glaise. Je vous aide putain, je vous salis catin. J'aurais dû prévoir, jamais plus d'un soir. Encore. Bon. Bonsoir à les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica tous les vendredis à partir de 19h, c'est les nouveaux horaires hein, depuis la pandémie. On a changé, puis c'est pas plus mal, on a 3 heures ensemble. Alors chaque semaine nous recevons ici des invités. La semaine dernière on avait reçu Willy, hein, c'est un artiste qui a un projet solo et qui était déjà venu en 2013, si je me trompe pas, avec c'était le chanteur du groupe Black Inside. Et donc la semaine dernière on a passé de bons moments ensemble, on a découvert un petit peu son univers, j'espère que vous avez apprécié, que vous auriez envie d'aller le voir en concert, puisque de toute façon ça va se faire avec le temps. Actuellement les concerts redémarrent progressivement, donc ce que je vous propose c'est justement de découvrir chaque semaine, comme on a l'habitude de le faire, un nouvel artiste. La semaine prochaine nous avons une émission un peu spéciale, puisque c'est vous savez, on n'est pas tout seul, hein, heureusement, sur Radio Arc-en-Ciel, à recevoir des artistes de la région. Et la semaine prochaine donc je recevrai deux personnes qui vont nous parler d'une autre radio dans laquelle qui se situe à Blois, dans laquelle on reçoit aussi des artistes, et on va parler un petit peu de tous les artistes blésois, puisqu'ils ont fait une compilation. Ça s'appelle la compile de Roxette, je me souviens plus exactement des termes, mais c'est quelque chose comme ça. Donc ils seront là pour nous présenter les artistes que eux connaissent bien. La plupart, il y en a beaucoup aussi qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, puisque de toute façon Blois c'est juste à côté. Donc une émission un petit peu spéciale, vous allez voir, et on passera de très bons moments. Depuis le début de l'émission, on a déjà écouté pas mal de groupes. Alors on a commencé avec les Rancid. Alors les Rancid, je suis arrivé, j'ai calé un disque tout de suite, mais je sais que les titres de Rancid sont très courts, mais en même temps ils sont tellement bons. Ça, c'est un morceau qui s'appelle That's Love, et on a commencé l'émission numéro 482 justement avec les Rancid. Va falloir qu'on les invite, parce que je crois, j'ai cru entendre quelque part qu'ils enregistraient. Donc si vous les connaissez, si vous savez que si vous écoutez l'émission et vous les connaissez, vous pouvez commencer à leur dire qu'ils se préparent à venir dans l'émission pour nous présenter leur prochain album. On a écouté juste après un morceau que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai reçu trois morceaux de ce groupe. Alors c'est les ex-compagnons de notre ami Willy de la semaine dernière, donc qui ont composé un nouveau groupe qui s'appelle Summer Chains, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Maze. Voilà, une découverte sur Radio Arc-en-Ciel. On est les premiers, premiers mondiaux, hein, il faut quand même le dire. Et juste à l'instant, on a écouté un groupe qui s'appelle Angeville. Depuis un petit moment, je vous le passe souvent parce que c'est un groupe vraiment que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'ils disent, j'aime bien ce qu'ils font, et puis la musique et tout ça. Donc Angeville, un groupe à suivre. Alors le morceau qu'on a écouté s'appelle Jamais plus d'un soir. Et juste après la petite présentation, je vous propose d'écouter Willy avec un morceau qui s'appelle... je suis libre. Voilà, ça me revenait plus. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, ce soir, j'ai un invité dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la première fois qu'il vient dans l'émission. Et pourtant, on se connaît depuis longtemps. On est amis sur Facebook depuis pas mal de temps. Et là, justement, on a échangé quelques trucs. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas l'inviter? Il est là dans les studios. Il y aura du live. Il s'agit de monsieur Bruno Bauer. Andalouse infidèle, Toi tu es éphémère, impossible et légère. Tu m'as cassé la confiance. Enfin je suis libre. Je suis libre de toi. Je suis libre. Je suis libre de toi. Tu m'as cassé entre nous, c'est fini. Tu as menti sur tout, sur des airs andalous. J'ai voulu y croire, aveuglé par l'espoir. C'était Willy, notre invité de la semaine dernière pour l'émission numéro 481. Et ce soir, c'est l'émission numéro 482, hein, ce qui est tout à fait normal. Et nous recevons un artiste, il est dans les studios. J'ai pas encore réglé les micros, mais on va faire tout ça au même temps, hein, en direct, live. Et c'est monsieur Bruno Bauer. Bonjour Bruno, tu vas bien ? Bonsoir Albino. Bah, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Moi je suis un petit peu ce que tu fais et tout ça. Mais tu t'es jamais venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ? Non. En tout cas dans mon émission. Ouais, je crois que je suis déjà passé Radio Arc-en-Ciel, mais il y a très très très longtemps. Il y a très très longtemps. Avec un groupe précédent, mais il y a très longtemps. Mais en tout cas, je suis ravi. Je suis ravi d'être là ce soir. Et puis c'est vrai, on se suit depuis quelques temps. Donc j'écoute Mavrika. Et donc, bah, je suis très très content d'être là ce soir, en tout cas. Bah, nous aussi, on est très contents parce qu'on va découvrir tout ton univers. Parce que bon, c'est la première fois qu'on se rencontre en plus. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion non plus de te voir sur scène. Mais et en plus, en ce moment, c'était un petit peu compliqué en même temps. Et ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de l'émission, tous les auditeurs aient une bonne idée de ton univers. Donc, on va commencer à te poser des questions, hein, pour essayer de te connaître. Alors, toi, comment tu es venu à la musique ? Ouh là là. Alors, ouh là déjà, là. Bon, ça se voit peut-être pas à la radio, mais je suis pas tout jeune, hein. Donc, j'ai dépassé allègrement la cinquantaine. Donc, la musique, ça fait partie de moi depuis très très longtemps, puisque mon premier groupe, j'avais 17 ans, donc c'était milieu des années 80. Donc, tu vois, c'est pas d'hier. Mon premier morceau, je l'écris, je devais avoir une quinzaine d'années, donc ça va faire bientôt 40 ans. Voilà, je suis mais j'ai jamais franchement arrêté parce que ça fait partie de moi. Et donc je joue dans beaucoup de groupes, surtout sur Orléans. Et puis donc là je suis plus en partie solo depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que il y a une question, je pense que tous ceux qui ont fait partie un jour d'un groupe vont être d'accord avec moi, c'est pas évident. C'est pas évident sur la durée d'aller dans le même, d'avoir les mêmes objectifs musicaux aussi. À un moment donné, bah, la vie fait que il y a des choses un peu qui nous font partir vers d'autres, d'autres horizons. Enfin voilà. Donc là, en tout cas, le fait d'être en solo, il y a des inconvénients, mais en tout cas, j'ai pas mal, j'ai plus de liberté, on va dire. D'accord. Et c'est vrai que ce que tu me dis là ce soir, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. On a reçu la semaine dernière Willy. Je sais pas si tu connais, c'est le groupe Black Inside. Alors moi Willy en plus, alors j'ai écouté pas toute l'émission, mais je l'ai découvert. Je connaissais pas Black Inside, ça me parlait pas. Donc je l'ai découvert. Oui, je pense qu'on est un peu le même. Pas le même profil, mais un peu, parce que je trouve qu'il a fait partie de quelques groupes, et puis il est parti en solo, peut-être aussi, comme moi, pour avoir peut-être un peu plus de liberté, faire un peu moins de concessions, surtout au niveau de la musique. En tout cas, j'ai découvert un super chanteur, hein, une super voix. Oui, il a vraiment un style particulier. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'on l'écoute, on sait que c'est lui, parce qu'il a vraiment une super voix, que ce soit en anglais, en français, vraiment, ouais. C'est vraiment très très bien et ce qu'il fait. Hein. Ouais. Bah, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. Et puis, de toute façon, dans l'émission Mavrica, on aime bien que les gens viennent et on aime bien que les gens reviennent. Donc, à mon avis, le contact est établi depuis pas mal de temps. Il était déjà venu en 2013, il est revenu en 2021 et il reviendra dès qu'il y aura de l'actualité, hein, bien entendu. Alors, toi, tu as joué dans plusieurs groupes. Tu peux nous en citer quelques-uns Je vais faire dans chronologiquement. Donc, mon premier groupe s'appelait JAS. Donc, c'est mon pote Manu on se connaît depuis très longtemps, parce qu'on se connaît depuis le collège. Et donc, un jour, il m'a appelé en disant tiens, tu chantonnes et tout ça, viens. On a besoin d'un chanteur, donc viens nous rejoindre. Donc, j'avais 17 ans, donc ça s'appelait JAS. On a fait quelques concerts. On a fait entre autres la première partie des Eddie and the Rods, qui sont passés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur Orléans. Et puis on a fait le Rock d'Orléans. Alors pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi s'en rappellent, hein, le Rock d'Orléans. Donc ça a duré dans les années 80. Donc tous les ans. C'était au Zigzag, je crois me rappeler. C'était là, donc il y avait 5-6 groupes qui venaient jouer. Donc super souvenir. Et puis après, donc toujours avec Manu, on a monté un groupe où là on était un peu plus, on faisait un peu plus de compos soit français. Donc déjà le français a commencé à venir, parce que donc JS c'était surtout du rock. Rock blues plutôt anglo-saxon. Donc après, donc c'est un groupe qui s'appelait Foué. On a pas mal joué. On a joué dans beaucoup d'endroits. Vraiment, on jouait quasiment tous les week-ends. À l'époque, dans les années 90, on arrivait à jouer assez facilement. J'ai dû faire tous les bars et les pizzerias du coin. Du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Et puis Foué, voilà, on a joué pendant quelques années, on a joué au Gibus aussi, on avait fait le Découvert du Printemps de Bourges, tout ça, donc aussi des super souvenirs. Après, j'ai joué dans un autre groupe sur Châteauroux. J'étais pour des raisons professionnelles, j'ai été muté sur Châteauroux, donc j'ai rencontré un batteur qui me suit encore, qui joue encore de temps en temps, donc Alain, et on a monté un groupe qui s'appelait Rig Veda. Puis après, je suis revenu sur Orléans et on a monté un autre groupe, toujours avec Manu, qui s'appelait The White Bard. Et donc là, j'ai rencontré... on avait déjà joué ensemble avec Laurent, qui a joué après avec les Twister Covers. Tout à fait, qu'on a reçu il n'y a pas très très longtemps. Ouais, je crois. Et je me souviens, les White Bard, je vous avais vu une fois en concert. Et j'avais discuté, je fais une émission, ça serait bien que vous veniez. Malheureusement, le groupe a disparu juste les semaines qui suivaient. Quoi. D'accord, peut-être parce que le dernier concert, on devait le faire à Saran. Donc c'est peut-être à Saran, on avait joué avec deux autres groupes, je me souviens plus. Je crois qu'il y avait Strong Commons, je crois qu'on devait jouer avec eux. Ouais. Et puis Way Down aussi. On avait joué à Saran. C'est possible, oui. Et donc c'était peut-être là. oui, effectivement. Ça commence à dater un petit peu aussi. Ça fait bien une dizaine d'années maintenant, oui. Donc les White Bard, et un peu ce qui est un peu dommage, on avait vraiment un bon groupe. Et donc Laurent à la guitare, il y avait Manu à la batterie, on avait Fred aussi à la basse qui joue avec les Iron Troopers maintenant. On a avait vraiment un bon répertoire. Et puis, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est compliqué dans la... Dans la durée, quoi, de se retrouver. Après, moi, j'aurais aimé qu'on fasse un peu plus d'enregistrements. Mais voilà, eux étaient un peu plus... Enfin, je pense qu'ils aimaient plus faire des concerts, etc. Moi, j'aime faire des concerts aussi, mais la partie enregistrée... Et ce qui est un peu dommage, justement, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment rien enregistré de White Bard, et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, parce que c'est finalement les enregistrements, c'est ce qui reste après. Tout à fait. Les concerts, on vit ça sur le moment, c'est vrai que c'est intense et tout ça. Mais un enregistrement, bon, c'est un autre travail, c'est aussi très intéressant. Je sais que les enregistrements, c'est quelque chose que les musiciens peaufinent. Ils sont accompagnés d'ingénieurs du son qui essaient de mettre tout en valeur. Et après, une fois que le groupe disparaît, moi j'ai beaucoup le groupe que j'ai reçu ici. Les groupes n'existent plus, mais les enregistrements sont là et on continue de les diffuser. Parce que c'est important, ouais, c'est sûr. Ce qui reste. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'était une des raisons aussi pour laquelle je suis parti un petit peu faire un peu mon truc en solo, parce que je voulais vraiment enregistrer. Donc j'ai enregistré assez rapidement un EP 4 titres au studio Polysonic donc à Orléans. Parce que même s'il est il était fait trop vite, il y a beaucoup de, maintenant quand je le réécoute, j'y découvre beaucoup de défauts, mais bon, il a le mérite d'exister. Et après, donc, j'ai passé pas mal de temps à enregistrer chez moi, alors dans des conditions. Aujourd'hui, on a quand même de la chance aussi d'avoir des possibilités d'enregistrer avec des logiciels, etc. Avoir quelque chose de, même si c'est pas hyper professionnel, mais ça reste assez fidèle. Ouais, faire des bonnes maquettes, voilà, ouais. C'est audible, quoi. On peut même le diffuser à la radio assez régulièrement, ouais, j'en passe. Et c'est vrai que nous qui avons connu les années 80, où quand on était bien équipé, on avait une platine cassette à quatre pistes qui nous permettaient d'enregistrer des instruments sur des pistes différentes, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, avec même sans être un grand professionnel, on arrive à quelque chose au moins, voilà, d'audible. On entend tous les instruments, etc. Et puis prendre le temps aussi. C'est ça aussi qui est le plus difficile, je pense, au niveau de l'enregistrement, c'est d'avoir du temps, prendre le temps. Et des fois, en groupe, on veut que ça aille vite, etc. Mais tu peux pas faire quelque chose de bien, je pense, sans prendre un minimum de temps. Effectivement, des fois, les studios professionnels, ben, il faut les payer très cher. En plus, ça coûte très cher. Donc, forcément, ben, on essaie de prendre le moins de temps possible. Et des fois, on n'est pas tout à fait prêt. Puis des fois, des choses se passent pas exactement comme on voudrait. Et puis après, je sais que tu m'as dit, par exemple, pour ton enregistrement, que ça serait à refaire aujourd'hui. Il y a des trucs que tu t'aperçois que tu aurais fait différemment. Mais je crois que un artiste n'est jamais 100% satisfait des enregistrements. C'est clair. Ouais, je pense que même sur le moment, s'ils sont contents et tout ça, avec les écoutes, les réécoutes et tout ça, au bout d'un moment, et voilà, ils voient plus que les défauts. Après, c'est aussi une déformation professionnelle. Ça. Mais c'est bien aussi de réécouter quelques jours, quelques semaines après, voir déjà si ça te plaît toujours. Et puis des fois, ce qui est compliqué au niveau des enregistrements, c'est que des fois ça te plaît pas et tu sais pas pourquoi, quoi. Il y a des choses qui, bon, ouais, il faut analyser. C'est pas toujours facile de savoir pourquoi ça passe bien et ça passe pas bien, et voilà. il y a une émotion, hein. Un morceau, c'est pas seulement de la musique, des notes, tout ça. Des fois, les notes sont là, mais l'émotion, elle y est pas. Et puis, donc, c'est un petit peu compliqué, tout ça. C'est un travail d'artiste, hein, de toute façon. Fait, ouais. Très bien. Je propose qu'on écoute un premier morceau de toi, alors. Donc, c'est tiré de ce premier... C'est un EP, hein, il a quatre titres, c'est ça. Et puis, on écoute le premier morceau. Oui, tout à fait. Donc, on va le découvrir ensemble, puisque tu me l'as apporté ce soir. Comme on va le garder dans la bibliothèque de Radio Arc-en-Ciel Mavrika, on le réécoutera forcément dans les prochaines émissions aussi. Voilà, donc je propose qu'on écoute le premier morceau qui s'appelle « On est prêt à t'accueillir, Wilfried ». Tout à fait. C'est ça, c'est parti. We'll be right back. légèrement se rapprochait. Nous avions pourtant eu des prémices. Du convoi et des avions incendiés. L'homme nouveau rentrait de plus belle en l'aise. En imprimant ta morceau dans l'émission 482 qui est consacré à notre invité Bruno Bauer, voilà. Donc là, je suis en train de lire aussi des petits messages, parce que tout à l'heure on a parlé de Fred, et puis Fred, il nous envoie un petit message en disant voilà, un petit coucou, voilà, je me souviens plus exactement les termes. Donc voilà, on fait plein de choses en même temps. Toutes mes amitiés albino, j'ai joué avec le fameux Nono. Donc, voilà. C'est le Fred. C'est Fred. Bonjour Fred, je pense qu'il nous écoute là alors. Ouais, c'est possible, hein, je pense. En tout cas, il suit l'émission, et après, c'est pareil, il y a aussi des gens qui écouteront le podcast. Ah, et sachant que ce soir, en plus, avec Florent, qui n'est pas là, qui a un petit problème électrique, soi-disant, chez lui, il ne va pas pouvoir enregistrer l'émission, donc je suis en train d'essayer de l'enregistrer, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, dans le pire des cas, si on ne l'a pas, on va encore la récupérer à côté, donc on va l'avoir, hein, ce podcast, mais il y aura peut-être un petit peu de retard. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui peuvent écouter l'émission en direct, hein, ils le font avec plaisir, et puis d'autres qui, des fois, en plus, c'est une émission de 3 heures, des fois, on n'écoute pas tout d'un coup, donc les gens peuvent aussi écouter le podcast, et puis écouter quand ils ont envie, et puis à la limite, écouter en plusieurs parties, voilà, c'est tout est possible justement avec la technologie d'aujourd'hui. Donc on a écouté ce premier morceau. Alors c'est toi qui écris tes paroles, tes musiques. Tout à fait. Auteur, ouais. Compositeur, interprète. En fait voilà, le début il est même là avant d'être chanteur, avant d'intégrer un groupe. Première chose que j'ai fait, c'est écrire des chansons. Donc comme je disais tout à l'heure, ça fait très très longtemps et voilà, ça fait partie de moi. Avant de chanter, c'est écrire des chansons, c'est vraiment voilà ce qui me, je dirais même ce qui me porte le plus. Et en plus, moi, ce que j'ai pu voir d'après les titres que tu m'as apportés, c'est que tu interprètes des chansons en français et en anglais, les deux. Tout à fait. Il y a pas de, t'as pas une préférence pour une langue? Non. Après, si on, en fait, si on parle un petit peu de la genèse d'un morceau, très très souvent, en fait, je commence toujours par la mélodie, en fait. Très souvent, j'ai toujours plusieurs mélodies en tête et longueur de temps, je dirais, même si de moins en moins avec l'âge maintenant, mais j'ai toujours quelques mélodies en tête et donc la base, c'est la mélodie. Donc je peux être très bien dans ma voiture ou marcher dans la rue, voilà, je fredonne, donc ça commence comme ça. Et puis après, si cette mélodie reste toujours dans la tête, je vais prendre ma guitare et puis je vais y trouver les accords, etc. Puis ça, c'est toujours sur un laps de temps très long parce que voilà, j'aime bien que ça mûrisse. Donc ça mûrit. Après, je pense à certains arrangements, au tempo, etc. et tout. Et puis donc vient, alors des fois lors de la conception du morceau et de la mélodie, je vais chantonner. Et vu que j'écoute beaucoup de choses, et enfin moi, mon éducation sentimentale, mon éducation musicale est plutôt anglo-saxonne. J'écoute plutôt de l'anglais depuis très longtemps. Donc j'aurais plutôt tendance à chantonner en anglais, et puis bon, l'anglais c'est chewing-gum, quoi, donc ça sonne toujours quoi qu'on dise, c'est super. La langue du rock'n'roll, c'est la langue du rock'n'roll, voilà, du folk, etc. Ouais. Donc en anglais, et de temps en temps, même si allez, dans tout ce que j'ai écrit, peut-être allez, moitié-moitié, c'est moitié anglais, moitié français, de temps en temps je me dis tiens, ça je pourrais peut-être trouver des mots des mots en français qui vont bien sonner, et moi c'est ça avant tout, c'est faut que ça sonne. Et une fois que j'ai trouvé un mot ou un groupe de mots qui sonne en français, c'est pas mal ça. J'ai toute la mélodie, j'ai peut-être construit, si je peux, des grâce à ce mot-là, le thème va découler, en fait. Voilà, donc. Mais j'ai jamais. Ça m'est très rarement arrivé de me dire tiens, je vais écrire un morceau sur tel ou tel thème. C'est plutôt la musicalité d'un mot, etc., ou d'une phrase qui va m'emmener vers un sujet ou vers un thème. D'accord. Alors l'album qu'on a écouté tout à l'heure, le morceau qu'on a écouté de cet album, alors il a été enregistré à Polysonic, c'était en 2013, c'est ça? Je crois, oui, 2013, c'est ça. Oui. D'accord. Et le morceau là, par exemple, qu'on vient d'écouter, on est prêt à t'accueillir, Wilfried. Ça parle de quoi? Alors justement, c'est un peu comme c'est un morceau qui est pas tout jeune déjà, et c'est un peu le morceau que j'ai enregistré dernièrement en français. C'est des morceaux un peu apocalyptiques, donc je dirais chacun y retrouve un petit peu ce qu'il veut. Il y a une petite connotation, apocalyptique, en fait, entre des envahisseurs, etc., de pays qui viendraient nous envahir, etc. Mais sur ce morceau, autant il y a des morceaux, comme il y a sur le CD, il y a un morceau sur le Vélodrome d'hiver, où là, c'est le thème, il est très marqué, il est très clair. Autant il y a certains morceaux que j'ai écrits où, voilà, chacun, je dirais, va puiser dans... va prendre ce qu'il veut, en fait, en écoutant le morceau. Très bien. Les sujets qui reviennent assez régulièrement, c'est lesquels? Quels sont les thèmes dans les paroles qui peuvent... Par exemple, c'est jamais très... c'est jamais très intime, en fait. Parce que D'accord. Donc c'est souvent assez... on va dire universel, ou des thèmes. Comme je disais tout à l'heure, le thème du Vélodrome d'hiver, voilà, ça m'a touché comme beaucoup. Donc, et j'avais la mélodie de ce morceau que je voulais faire en anglais à l'époque, et j'ai eu voilà un flash en voyant l'émission et en voyant en disant mais Vélodrome d'hiver, c'est finalement ça sonne bien, et c'est des termes en français dans ma bouche que je pourrais chanter, voilà. Et donc j'ai fait un morceau sur ce thème-là. Après, les autres thèmes, c'est très comment dire, beaucoup de thèmes, pas des thèmes vraiment assez universels, voilà. Je suis pas très précis. Puis j'aime bien aussi que les gens après écoutent et puis se fassent une idée. J'aime pas être didactique ou vraiment être dire voilà voilà ce qu'il faut penser ou si ce qu'il faut voilà ce que j'ai voulu dire voilà j'aime bien aussi un peu comme dans la musique on faut laisser un petit peu part un peu une part de mystère aussi. Ouais, il faut que les gens se l'approprient quoi, fait, finalement ouais. Et puis des fois dans les textes que tu as écrits les gens peuvent le comprendre autrement et puis s'accaparer beaucoup plus tout facilement. À fait. C'est le but. En tout cas, ce que j'ai envie de faire. Et en plus, là, tu viens de nous parler du Vélodrome. Et justement, on avait parlé des Twister Covers. Je me suis dit, tiens, on va caler quand même un petit morceau des Twister Covers, puisque c'est un groupe que tu connais et que nous aussi, hein, puisqu'ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de leur travail. Et on parlait justement, et moi, le morceau que j'ai calé, c'est Psycho Sick Cyclo. Ah bah voilà. Voilà, donc la transition est toute faite. Hein. Je propose qu'on écoute tout de suite les Twister Covers. Et puis on se retrouve juste après avec notre invité Bruno Bauer pour continuer à découvrir tout son univers. C'est parti. Non, c'est pas ça. Ça ressemble pas trop. Psycho trail, proudly with your shiny wheel. When you have to stop with your brand new car, die a screeching woman scream. What a mess, they can blow you away. They don't care about me and they don't care about you. Look at the end of the bars. They're back in town in the early afternoon, pumping on a psycho song. Now they are just all over the place. What a mess, they can blow you away. Can blow you away. Twister Cover avec Psycho Cyclo. Voilà. On va continuer à découvrir un petit peu ton univers. Donc, alors Bruno, toi, tu as fait ce projet solo depuis combien de temps ? Ça existe depuis combien de temps ? Depuis 2012, 2013. C'est pour ça que j'ai tout de suite, j'avais tellement une soif d'enregistrer que je dis allez, je me débrouille tout seul, ou tout seul ou quasiment. Donc j'avais demandé de l'aide à Laurent, à la guitare. J'avais demandé un batteur sur internet, donc les. C'est fabuleux internet. J'avais demandé c'est un batteur danois que j'ai jamais rencontré, qui a joué sur les quatre titres. Donc il m'a envoyé les pistes comme d'accord, ça. D'accord, il a fait juste les pistes comme ça, il les a envoyées, puis ouais, après ouais, vous avez ouais, mixé ça au studio. En fait, je pense que j'avais dû faire une démo auparavant. Puis il me fallait un batteur, quoi, un vrai batteur, etc., avec du matériel. Et donc c'est un batteur professionnel qui m'a envoyé ça. Donc, et d'ailleurs je vais refaire un prochain titre et je vais lui redemander, parce que j'étais vraiment super content de ce qu'il m'avait fait comme travail à la batterie. Donc je vais lui redemander. Et puis le reste, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, par contre quand je réécoute le morceau, bon, le son de guitare, je trouve, enfin moi j'ai fait la basse et la guitare en fait rythmique, et bon, si c'était maintenant, je referais. Voilà. Mais, ouais, bon, mais ça, c'est. Comme je disais, voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà. Et puis de toute manière, on n'est jamais content 100% de ce qu'on enregistre. Donc voilà. Et puis la musique aussi, elle est vivante. Donc un morceau que tu interprètes d'une certaine manière, dans 2 ou 3 ans, tu vas l'interpréter d'une autre manière. Quoi. Ouais, je pense que c'est comme ça. Très clair. Donc voilà, ça, c'est vivant, ça évolue, et puis donc c'est des morceaux qui ont déjà quelques années. Depuis, tu continues toujours à écrire des morceaux. Alors j'écris de moins en moins, parce que je pense comment je vais dire, à force de d'écrire des morceaux, je dirais après on a l'impression des fois un petit peu de tourner en rond, donc d'attaquer les morceaux toujours un petit peu de la même manière, j'écris toujours un peu, mais ce que je fais aussi c'est que je repioche un peu dans mes vieux morceaux, et justement je les dépoussière un peu, et voilà, je les réinterprète d'une manière un petit peu plus actuelle, quoi, enfin c'est quelque chose qui me correspond un peu plus. Donc voilà, et en fait ce que j'ai fait aussi depuis 2013, j'ai pas mal enregistré chez moi. Donc ce que je disais tout à l'heure, on a pas mal de possibilités aujourd'hui d'enregistrer chez soi. Donc je mets pas mal de démos sur SoundCloud. Bon, je pense que tout le monde connaît, enfin les musiciens connaissent SoundCloud. C'est une possibilité de mettre ces morceaux, même s'ils sont pas achevés. Bon, et puis donc j'ai peut-être une quinzaine de morceaux sur SoundCloud, et voilà. C'est pas hyper produit, c'est pas super arrangé tout ça, mais bon, ça le mérite d'exister. Et là, alors si on parle aussi de ce que j'ai fait là dernièrement en termes d'enregistrement, j'ai rencontré en fait un jeune ingénieur du son qui monte son studio. D'ailleurs, je lui fais de la pub. C'est un super. Ouais, on parle de tous les studios. C'est Décibel Studio à Sainte-Maure-de-Touraine. Donc c'est Mathieu qui donc on a bien accroché. Et puis je me suis dit ça serait bien qu'on travaille ensemble. Donc il c'est surtout un mixeur. Il fait du mixage et du mastering, et puis il se lance un peu aussi dans l'enregistrement. Et donc on a bien accroché ensemble, et donc on va faire des morceaux ensemble. Et donc j'ai fait deux morceaux, donc un morceau en français et un morceau en anglais. Donc c'est aussi c'est ma raison d'être là, d'être ici aussi ce soir, c'est parce que je t'avais envoyé ces. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont calés, on va les écouter. Hein. Et donc voilà, oui, ce que je disais aussi, c'est que voilà, il y a eu un besoin d'enregistrer, de figer aussi certaines choses, mais on peut pas tout faire non plus tout seul. À un moment donné, on sent qu'on est un petit peu on n'est pas des. Enfin, moi, je suis pas un super pro de la technique, et m'enregistrer, ok, ça va, mais à un moment donné, il faut autre chose, quoi, aller un petit peu plus loin et avoir d'autres oreilles et des oreilles professionnelles, entre autres. Mmh. Mmh. Très bien. Et en plus, après, il y a la technique aussi. Et puis, des fois, il y a des choses que tu sors, toi, et tu as envie de l'enregistrer. Et l'enregistrement, ça sort pas exactement pareil. Ouais, exactement. Il faut les bons micros, voilà. Il faut le bon matériel, c'est les vrai. Bons logiciels. Aujourd'hui, donc, c'est un métier à part entière. Et puis, tu parlais aussi du mixage et puis du mastering aussi, qui a une importance, très grande importance. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que souvent, c'est assez rare que les studios fassent les deux. Souvent, ils font le mixage, ils envoient à quelqu'un d'autre pour faire le mastering ou... Il y en a aussi qui font les deux, hein, mais bon, souvent ça se fait comme ça. Je crois qu'il faut avoir une nouvelle oreille pour peut-être faire le mastering après un mixage, ou sinon après c'est un peu plus compliqué. Je sais pas. Bah, lui, c'est donc Mathieu au Decibel Studio. C'est vraiment mixage, mastering, et il vient un petit peu l'enregistrement. Ouais, la prise de son, tout ça, c'est encore quelque chose. Encore différent. Ouais. Ouais, c'est compliqué tout ça. Hein. Il faut vraiment être, faut trouver le bon ingénieur du son. C'est là, on rentre dans un domaine de professionnalisme qui est monstrueux, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, quand on enregistre chez soi, on se rend compte de certaines choses, vraiment, que c'est pas si facile que ça, quoi. Et que voilà, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et au studio Polysonic, comment ça s'était passé, ça? Bah, justement, c'était Gwen qui m'avait enregistré, ouais, Gwen, des Twister. Ouais. Donc, Twister. C'est lui qui m'avait enregistré, parce qu'à l'époque, avec White Bard, on répétait là-bas. Et donc vu qu'ils font aussi de l'enregistrement, j'ai demandé à Gwen qui m'enregistre, et donc c'est lui qui avait enregistré le 4 titres. Mmh. Et je vois aussi un nom, Younes. C'est aussi quelqu'un qui... Younes, qui avait prêté main forte à... Qui est aussi un des techniciens de la région qu'on voit à beaucoup de concerts et à beaucoup d'endroits où on enregistre. Ouais, aussi. Tout à fait. Voilà, très incontournable, bien. Younes. C'est pour ça qu'il faut les citer. C'est des gens qu'on connaît. Et puis, ouais. Voilà. Très bien. Donc, on a parlé un petit peu de cet enregistrement. Alors, il y a encore 3 autres morceaux. On va les écouter au fur et à mesure de l'émission, peut-être. Hein. Si tu veux. Ouais. Par contre, là, j'ai envie de passer les nouveaux morceaux parce qu'on les a calés. Oui. Donc, on les a écoutés déjà dans les émissions précédentes. J'en passais un autre. Donc, on commence par lequel? Celui en français ou celui en anglais? Eh ben, on va passer celui en anglais. C'est le deuxième, Under the Searchlight, si c'est calé. C'est calé, hein, voilà. J'avais calé l'autre, mais bon. Après, ça va très vite, hein, le changement. Tu sais, avec la technologie aujourd'hui, on n'a pas le 33 tours à soulever, à nettoyer, à remettre le disque. C'est donc, vrai. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Nous, on a connu ça comme ça. Ouais, j'avais fait de la radio dans les années 80, hein, au début. Et effectivement, on faisait toutes les émissions avec des disques. Des disques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la technique, eh ben, ça a beaucoup évolué. Mais on faisait des bonnes choses déjà. Très bien, donc on va écouter ce morceau. Alors, Under the Searchlight, c'est comme ça? Under the Searchlight, ouais. Voilà, moi, l'anglais, c'est très difficile pour moi. je préfère, c'est pour ça que je préfère que tu le présentes toi-même. C'est parti, Bruno Bauer. My mother said you must be clean. Wash your body and your mind too. There are so many things you'd bother to do. I choose my way among the different path of word. If you should take it, I'll do it right now. And if you insist, I'll do it right now. What you want? Alors on a écouté deux morceaux à la suite. Alors le premier morceau, bah, c'était Bruno Bauer, notre invité de ce soir. Et le deuxième, je suppose que tu as reconnu. Ron Troopers. Ron Troopers. Hein, enfin, un petit coucou au. Ouais, tout à fait. Iron Maiden, voilà, c'est un tribute de Iron Maiden et c'est Arnaud Walden le chanteur. Arnaud Walden, lui, il a aussi son projet à lui. Hein, il est déjà venu plusieurs fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et là, vraiment, c'est un. Moi, quand je les ai déjà vus sur scène, c'est vraiment, on a l'impression presque que c'est les Troopers. Hein, les Iron Maiden, je veux dire, c'est des Troopers. Mais vraiment, c'est super bien fait, quoi, en tout cas. Ouais, c'est super. Les cinq sont super en place et tout. Et en plus, ouais, tu parles d'Arnaud Walden, mais justement, transition, tu vas voir, c'est que il monte un groupe qui s'appelle Traffic Jam, là. Ah, d'accord, bah, tu vois, j'étais pas au courant. Traffic Jam avec le batteur Frank Riedaker, et Frank Riedaker, c'est lui qui joue sur Under the Searchlight. D'accord, bah, comme quoi le monde est petit. Le monde est petit. Justement, ce morceau-là, ça parle de quoi? Searchlight, c'est les lumières, c'est, les projecteurs, les projecteurs. C'est être sous les projecteurs, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est une mélodie que j'avais en tête. Mm-hmm. Voilà, et puis Searchlight n'arrêtait pas de revenir, donc j'ai fait un morceau autour de. D'être sous les feux de la rampe, etc. et tout, en dehors de Searchlight. Mais c'est pour ça aussi que des fois, je chante en français, c'est parce qu'en anglais, je suis quand même un peu limité, donc je peux pas exprimer vraiment aussi ce que j'ai envie de dire, donc c'est toujours un peu une frustration. Comment dire, de chanter en France, en anglais, parce que il y a des choses que je voudrais dire, mais j'ai pas un vocabulaire assez complet pour. Donc c'est bien. D'un autre côté, c'est bien parce que ça me permet de jongler entre les deux. Ah ouais, tout à fait. Hein. L'anglais, le français, tout ça. On m'a déjà dit, ça serait bien que tu choisisses entre le français et l'anglais, mais. Non, ça me fait trop partie de moi-même. Moi, je trouve que ça fait quand même l'originalité, parce que la plupart des groupes, soit ils chantent en français, soit ils chantent en anglais. Mais le fait de mélanger les deux, moi, je trouve que ça va très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi tout pas, à fait. Voilà. Voilà. Donc, toi, tu as choisi d'interpréter dans les deux langues, et quand ça sonne bien, voilà, c'est tout. Hein. Il y en a certains aussi que j'ai entendu dire, voilà, mais en anglais, ça fait vraiment le rock, il est anglais ou américain, mais en français, ça sonne pas. Bah si, il y a des très bons groupes français, quand même, hein, il faut pas en oublier. Hein. Il y a quand même eu Téléphone qu'on peut dire. Voilà, c'est celui qui revient le premier quand on dit les groupes français qui chantent en français. Ils ont su faire toute une carrière. Et aujourd'hui encore, c'est quand même une référence. Hein. Donc, Noir Désir aussi, chantait aussi et en anglais et en français. Et les morceaux en français restent, hein, ceux de Noir Désir, ouais, Téléphone, Trust, etc. Il y a des Pachung aussi un peu dans un autre style, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est quand même plus compliqué de faire sonner en français, mais quand tu y arrives, c'est super, et je crois que c'est des morceaux qui restent encore plus. Ça devient des références, quoi, ouais. des standards de musique. Donc, tu nous as parlé d'enregistrement, est-ce que tu as fait beaucoup de concerts? Sur le nom après tu peux nous parler des deux, mais déjà sous le nom de Bruno Bauer, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais un peu plus jeune, donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire des concerts, mais je dis pas que j'en ferai plus, mais dans des conditions sympas, quoi. J'ai parlé comme un vieux machin, mais dans l'émission Mavrika, je parle souvent comme un vieux machin. Donc, on va parler comme des vieux machins, mais c'est vrai que j'ai tellement joué dans tellement d'endroits un peu improbables. Bon, ça, à partir d'un certain âge, on se dit bon, ça serait bien de jouer dans des conditions à peu près potables, et puis avec un minimum de professionnalisme aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai encore des copains qui. Qui joue dans des bars pour rien, où t'es à peine considéré, je veux passer à autre chose, quoi, c'est clair. Donc, mais bon, puis il y a le fait aussi que maintenant je suis plus sur Orléans, je suis sur Chartres. Je suis en pleine brousse et c'est un peu compliqué aussi pour répéter, trouver des salles de répète, etc. Et puis après, si tu répètes et puis t'as pas de concert en vue, c'est un peu... ça fait pas trop envie, quoi. D'accord. Et en plus, là, avec le Covid, là, moi, ça n'a rien arrangé. Donc, là, ça repart un petit peu. Tu vas, toi aussi, au concert, voir d'autres artistes? Alors oui, évidemment, là je commence à ressortir. Justement sur Chartres, là il y a un festival, j'ai découvert 2-3 groupes qui étaient très sympas. Et là, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai vu des groupes sympas, vraiment très très bien de la région, le groupe de Tours. C'était une violoniste avec une guitariste. C'était vraiment particulier, mais très bien. Et puis, il y a un autre groupe qui était plus traditionnel, un peu americana, un peu bluesy, etc. Mais c'était très, très bien. Et puis, sinon les concerts... j'ai loupé Nick Cave. Hein. Je suis un grand fan de Nick Cave. Il devait passer... c'était quand en début d'année, je crois, ou l'année dernière. Et ben voilà, j'ai pas pu aller voir Nick Cave. Mais ben, j'ai vu qu'il passait Rock en Seine, donc je vais essayer de pas louper Rock en Seine. Une deuxième occasion. Puis sinon, oui, des concerts, j'en ai vu un paquet. J'ai vu Iron Maiden d'ailleurs en 86, ça ne rajeunit pas, à Bercy. Mais voilà, je vais pas dire tout le nom de tous les groupes que j'ai fait, parce que là on a pour toute la nuit, je pense. Mmh. En plus là tu nous parles des groupes effectivement que tu admires, Iron Maiden et tout ça. Et parmi les groupes de la région orléanaise et des alentours, est-ce qu'il y a des groupes par exemple qu'on aurait pu recevoir ici dans l'émission Mavrica, que tu as envie de citer, des gens que tu aimes bien? Bon, on a parlé des Troopers déjà, ouais, des Twister Les Chili Dogs aussi. Ah, les Chili Dogs, super, oui. Super, les Chili Dogs. Bon, Yeti aussi. Yeti, ouais. Sébastien, un mec ouais. Super sympa en plus. Et puis voilà. Et tout à l'heure, t'as passé un groupe. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est l'alerte incendie, non? Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'envoyer un morceau tout de suite. Et puis, avant que ça explose. Ouais, parce que là, il y a des sonneries qui devraient pas se faire, mais oula, qui se font quand même. Donc ça nous embête un petit peu en même temps. Mais bon, on va tout de suite répondre et puis on envoie un petit morceau. Okay. Simplement. C'est parti. La loi de nos frères. la part C, le morceau en français. Donc effectivement, il y avait une alerte ici dans les studios, donc ça sonnait dans tous les sens. Et c'était simplement le téléphone, hein, donc il n'y a rien de grave. Rien de méchant. Et d'ailleurs, on va voir si... c'est pas vrai que ça recommence. Juste on prend l'antenne et apparemment il y a un petit souci. Donc ce qu'on va faire, on va réécouter un autre morceau, hein. C'est pas bien grave, on est là pour écouter de la musique. Le problème c'est que on va écouter un autre morceau de toi, fais comme ça. Allez hop. Et on va essayer de voir, parce qu'on voulait faire intervenir quelqu'un à l'antenne. Mais apparemment il rappelle, c'est qu'il y a un petit souci. On voit ça et on se retrouve tout de suite alors. C'est un petit peu compliqué puisque, vous savez, sur Radio Arc-en-Ciel, on est à la fois animateur, on est aussi technicien, on fait tout en même temps. Et quand le téléphone se met à sonner, c'est un peu compliqué. Et quand on a quelqu'un qui est en attente pour passer l'antenne et un autre appelle, donc alors là, on est complètement perdu. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va voir si on a quelqu'un qui est en attente. Allô Fred ? Bah on a perdu, voilà, on avait deux personnes en même temps et puis là on n'a plus personne. Donc ce que je propose c'est qu'on attende un petit peu et puis dès qu'on aura l'occasion, on les fera passer à la radio. Ça s'est fait en même temps, donc c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc on a profité justement pour envoyer encore un morceau de Bruno Breuer qui est notre invité ce soir. Donc je vais te dire ce qui se passe, parce que toi tu observes depuis tout à l'heure. Il y a Fred qui a appelé, je l'ai mis en attente, mais au moment où on devait le monter le curseur pour discuter avec lui, et ben on s'est retrouvé avec Manu des Samsoul qui appelait aussi. Donc voilà, des gens qui te connaissent, qui avaient envie d'intervenir, nous passer un petit coucou. Et moi, ce que j'aurais voulu, voilà, ce qu'on va faire, on reste à l'antenne. J'aurais dû les faire venir avec moi, ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. Mais ce qu'on va faire, attends, on va pas les perdre. Ce qu'on va faire, je décroche, on les met à l'antenne, okay. Et puis on discute tout de suite. On va tout faire ça en direct live, hein. C'est okay. Parti. Ah oui, ça a coupé. Bon, je vais faire la manip parce qu'il y a Manu qui a pris au moment. Je fais la manip et je te retrouve tout de suite dans le. Voilà, on a tout fait en direct, hein, donc et c'est comme ça dans l'émission Maverick. Hein. On triche pas, on est vraiment en direct live. Et là, cette fois-ci, on devrait avoir, si ça marche bien, notre ami Fred. Ça va, Fred? Oui, salut à tous. Ah ben voilà, ça marche. C'est beaucoup. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais là, il y a eu, un curieux hasard, c'est que tu as appelé, on t'a mis en attente et on a eu un autre coup de téléphone. Et puis au moment où on prenait l'antenne, donc ça nous a un petit peu compliqué la vie. Mais on y arrive. Hein. Donc j'ai demandé à l'autre personne de nous rappeler dans quelques instants. Donc il interviendra aussi après. Et donc toi, bah c'est Fred du groupe Iron Trooper qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà. Oui, alors. Et tu connais très bien Bruno. Des Iron Troopers, mais aussi de Prisma. Oh, tout à fait, oui. D'ailleurs, le disque, on va caler tous les groupes dont on parle pour toujours rappeler aux gens quel groupe on parle, quoi. C'est bien aussi de passer leur musique. Voilà. Alors, tu vas bien? Mais, ouais, moi j'écoute. Alors, c'est pas tout le temps que j'écoute l'émission le vendredi soir parce que. Bah, mais personne n'écoute tout le temps qui. Mais j'écoute quand même, hein, je prête une oreille, j'aime bien ça. Ouais, en plus on passe régulièrement du Prisma, hein, et puis Christophe il vient assez régulièrement, et puis quand il vient pas, il passe un petit coup de téléphone aussi. Donc voilà, on est au courant un peu de ce qui se passe avec les groupes, hein, voilà. Et puis tu vois, bah j'écoute l'émission depuis le début, et c'est vrai, Nono, il l'a carrément dit, c'était un groupe qui était très bien, les Wild Barnes, c'était génial. Et on s'est quitté, mais en toute tranquillité, quoi. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de conflit. Je sais même pas pourquoi on a cessé ce truc-là. Mais Nono, bah, c'est une amitié. Manu, c'est une amitié énorme aussi. Même Lorenzo, le guitariste, bah, on a moins de rapports, mais si on se revoyait autour d'une table tous ensemble, bah, ça serait génial. Donc, toi, c'est des groupes qui splitent, mais tu sais même pas pourquoi. Et tu dis, bah. Tu sais, des fois, on choisit pas, c'est la vie qui est comme ça. À un moment, vous étiez disponibles tous ensemble, vous avez vu envie de faire quelque chose. Puis après, des fois, il y a de trop intérêts. Et puis, il y a aussi les choses de la vie qui font que des fois, on peut pas continuer un projet qui nous tient à cœur. Donc, voilà, je pense que, on a connu beaucoup de groupes. Et quel groupe, dure beaucoup d'années? Même les groupes professionnels, ils finissent par se séparer au bout d'un certain temps. Donc, il faut profiter du moment présent. Et puis, quand ça marche, le faire durer le plus possible. Et puis après, bon, si jamais ça continue pas, au moins garder des bons contacts avec les différents membres. Et c'est carrément ça. Là. Franchement, moi, avec ces gars-là, j'en garde que des bons souvenirs. C'était de la rigolade. Il y avait, je sais pas honnêtement pourquoi on a arrêté, mais ouais, il y a aucune. C'est direct, quoi. Moi, quand j'ai su que Nono était invité ce soir, eh ben, je voulais appeler. Tout de suite, j'ai contacté par Messenger Manu. Manu qui m'a dit battant. Et puis voilà, tu vois, ça c'est un truc qui s'explique pas. D'accord. En tout cas, c'est sympa, Fredo, de t'avoir au téléphone. Ça me fait plaisir que t'appelles. Et puis c'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. On était quatre personnes. On s'entendait super bien au White Bard. Et puis, mais comme je disais aussi tout à l'heure. Puis t'es bien placé pour le savoir. Un groupe, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. C'est voilà, au bout de quelques années, bah voilà, il y a une sorte de lassitude, peut-être des fois qui s'installe. On peut se croiser un jour ou l'autre, et puis boire un coup ensemble, et puis rigoler du temps qu'on a passé. C'est des super souvenirs. C'est ouais, pour ça que tout à fait. Je tenais absolument à prendre la parole, et puis peut-être que Manu le fera après moi. Quoi. Voilà, c'est prévu. Hein. si on y arrive. Vous auriez dû venir, on aurait fait un power trio là. Hein. Mais c'est vrai que ça aurait été bien que vous veniez tous ensemble, ça m'aurait fait plaisir. Et puis bon, voilà, actuellement aussi, je préfère prévenir quand même les groupes qui sont assez nombreux. C'est-à-dire que je reçois des invités, mais actuellement je suis un petit peu limité à cause du Covid, donc j'ai le droit à 3 personnes, exceptionnellement 4, donc je suis obligé de demander des autorisations. Hein. Tous les gens qui viennent ici dans les studios aujourd'hui on demande des autorisations. Mais bon, 3, ça se faisait très bien, quoi, il n'y avait pas de souci. Hein. L'essentiel, et ça a toujours été le cas, c'est qu'on s'est pas du tout quitté en mauvais termes. Ça a toujours été quelque chose. Je sais même pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça remonte à des années en arrière. Mais si on se voit, bah, on serait super content. On discuterait, on rigolerait du temps. Et puis voilà, encore plus Nono et Manu qui se connaissent depuis des années et des années. Mais même moi qui ai intégré le groupe juste pendant peut-être, je sais pas, 2-3 ans, bah, j'ai passé un super temps avec eux et c'est des gens que voilà. Ouais, mais c'est pareil pour moi, Fred. On était quatre personnes, on s'entendait bien, on avait chacun nos caractères, mais on a fait quelque chose de sympa. Et toi, ouais. Ce qui me manque juste, je le disais tout à l'heure, c'est que on n'ait pas eu la possibilité de passer un peu de temps à enregistrer, parce que l'on disait tout à l'heure avec Albino, c'est vrai que après les années, tu vois, la chance quand on fait de la musique, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer et d'avoir un truc qui te reste, quoi. Je suis carrément d'accord avec toi, Nono. Ça, c'est vrai. Mais bon, bah ça, une fois que c'est passé... Ouais, c'est clair. Tu peux pas revenir en arrière. C'est un peu comme les photos. Exactement. Bah, des gens, même Lolo, j'aurais bien aimé qu'il prenne la parole ce soir ou qu'il nous envoie un petit message. Mais c'était quelqu'un qui était très bien aussi. Et voilà. On formait une bonne équipe. Franchement, parce que pour moi, la musique, alors certes, il faut qu'on soit sérieux, qu'on fasse des répètes, des compos, etc. Mais c'est avant tout une bande de copains. Et ça, c'est très important, quoi. Et ça, je garde ce souvenir-là. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que moi c'est pareil. Bah écoute, je suis super content. Donc je monopolise pas la parole, je laisse la place aux autres s'il y en a. Bah, et puis je te remercie Fred et puis au plaisir de se retrouver hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment on s'est un peu quitté de vue, mais bon au plaisir de se retrouver un concert ou quelque chose comme ça puisque là maintenant ça repart un petit peu. Hein. Et puis si t'as envie de venir dans les studios, n'hésite pas à me contacter pour parler de tel ou tel projet. Il y a pas de problème, tu sais que la porte est ouverte, il suffit de programmer l'émission et puis ça se fait. Il hein, y a pas de souci. Eh ben super, d'accord. Ça marche. Allez, bien. À bientôt, Fred. Je te remercie. À bientôt. Merci de ton appel. La bise à vous deux. Bise. Allez, bise. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Notre ami Fred, donc, qui est intervenu dans l'émission, il est déjà venu à plusieurs reprises. Ouais, ici, c'est un super mec en plus, super sympa. Ça, on est tous d'accord. Voilà. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. On attend l'appel de Manu qui peut se passer d'un moment à un autre. Alors, je sais pas. Il est couché à cette heure-là, à 20h30, il est couché. Voilà, donc effectivement, t'as joué avec ces différents musiciens et comme on disait tout à l'heure, c'est le travail, c'est la musique, tout ça, mais il y a aussi une ambiance, une entente. Donc les gens ensemble, il faut qu'ils s'entendent bien. Les groupes qui durent le plus longtemps, c'est ceux qui s'entendent le mieux. Ah. Voilà, je pense que c'est Manu. On va faire comme tout à l'heure, on va pas quitter l'antenne, on va rester un petit peu, on va laisser la petite musique de fond et on va le retrouver tout de suite. On a tout fait en direct et cette fois-ci, on va voir si ça fonctionne. Allô, bonsoir. Salut. Ah bah ça marche et tout. Donc je rebaisse la petite musique de fond parce que bon, comme on fait tout en direct live et quand on veut faire les choses bien, bah ça se passe mal. Donc du coup, on se dit tiens, on va y aller à l'arrache et ça fonctionne. Donc c'est Manu du groupe Samsoul. Exactement. Mais très bien. Mais t'es pas couché à cette heure-là? Ah là là. Je sais que je suis un peu plus vieux depuis hier, mais quand même. Ah ouais? Oui, hier c'est l'anniversaire hier. Ah d'accord. Ça fait combien? Voilà, 50 combien? 56? 56? Ah d'accord, alors 56 hier. Alors, donc, Manu, on se connaît depuis la 6e, je sais pas si tu vois, donc ça fait... Ah oui, 78. On se connaît depuis 78, tu dis? Ouais, c'est ça. Bon, donc je viens d'avoir Fred, j'ai toi, donc j'ai l'impression d'être dans mon salon en fait. Hein, chez moi, hein. C'est vrai, si on avait prévu ça, vous seriez venu ici dans les studios, on aurait parlé tous ensemble et puis ça aurait été super, quoi. Oui. Sans problème. Après, on peut faire une rétrospective des anciens groupes de Nono. Avec tous les musiciens. Ouais, c'est vrai. Voilà, si t'as des choses à balancer, vas-y. Hein. Là, on sera plus de trois dans le studio, je pense. Hein. Non. Bah moi, avec Nono, c'est premier groupe en 84, le deuxième en 87, et puis là, ça a duré jusqu'à 94 ou 96, je sais plus trop. Et puis après, voilà, on s'est retrouvé en 2005 par là pour faire le Wake Bard, et puis ça a duré 4-5 ans aussi. Puis c'est vrai, bon, on est parti. Ouais, c'était un peu dur de trouver des concerts. Il y avait presque plus de bars qui faisaient tourner des groupes à Orléans. Et puis c'était un peu la misère comme ça, où fallait aller à 100 bornes pour faire un petit festival. Enfin, c'était pour jouer pour des tremplins aussi. Ouais, tremplin, voilà, le tremplin ça, puis... à la Roche Posée. J'aurais dû en parler à Fred. Ouais. C'était quelque chose. Ouais, ouf. C'était des tremplins où on avait l'impression que c'était pas du tout pour aider les groupes, quoi. C'était juste pour faire. Voilà, ça faisait sûrement travailler des techniciens et puis mais voilà, ça j'ai pas l'impression que ça a emmené loin les groupes à cette époque là voilà. Je pense pas que ça soit mieux maintenant, en toute manière, peut-être même pire. Ouais, je trouve qu'il y a de moins en moins d'endroits pour jouer. Je pense que ça doit être un... on doit l'entendre à tout Bah, faut trouver le circuit, hein, parce que ouais, quand je t'entends parler de Yeti, des Chili et tout ça, ils tournent assez souvent. Ils sont sur un circuit. Voilà. Mmh. Ouais, c'est vrai que dernièrement, on a vu plusieurs dates où ils étaient en concert, quoi, tout simplement. Ça redémarre. On voit certains noms qui redémarrent, d'autres qui ne sont pas encore repartis sur la tournée des concerts, mais bon. Mais toi, avec Sam Soul, tu joues pas mal quand même, hein. Ça... Ah bah avec Sam Soul, ouais, on a un créneau particulier, je pense. Voilà, ouais, donc c'est assez facile pour nous de trouver des concerts. Un concert en amène un autre, parce que comme on peut faire toutes sortes de soirées plus ou moins glorieuses, quoi, parce que des fois c'est des anniversaires ou un vin d'honneur de mariage, quoi, mais les gens sont tellement contents que l'important c'est le partage, c'est la bonne ambiance, voilà, et tout ça, peut... ouais, voilà. Ah oui, quand on se retrouve un vin d'honneur de mariage à jouer dans la pelouse, sur la pelouse, en attendant les mariés, puis qu'il se met à pleuvoir et on se retrouve dans la salle de bal. C'est cool, ça. Et que les gens sont impressionnés, enfin je sais pas s'ils sont impressionnés, mais ils rentrent dans le jeu, ils dansent comme des fous, comme si c'était un concert. Woodstock. Voilà, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, avec la pluie, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, on a remballé le matériel et on l'a remonté vite fait dans le. Mais voilà, c'est chouette aussi. Ouais, sur le moment, c'est pas toujours très drôle, mais après derrière, quand vous racontez ça, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des c'est des moments qui font sourire après. Mais c'est vrai que sur le moment, des fois, vous dites oh là là, il se met à pleuvoir, le matériel, ah bah oui, tout ça, c'est beaucoup d'argent aussi qui est investi, donc il faudrait pas abîmer le matériel à cause d'une simple pluie, quoi. Donc, mais après, bon, quand on le raconte et on sait comment ça s'est terminé, c'est toujours des bons moments à se raconter, ouais, quoi. C'est génial. Hein. Ouais. C'est une bande de copains aussi, c'est ça. Ce que disait Fred tout à l'heure. Ah oui, c'est important. Soul, justement, on va fêter nos 20 ans, qui vont faire 22 à cause du Covid. On aurait dû faire ça il y a 2 ans. Sam Soul, ça a commencé en 2000. Et donc là, au mois d'avril, à Saint-Tillon, on va faire les 20 ans avec tous les membres qui ont joué dans Sam Soul. D'accord, c'est quand exactement la date ? Ça sera le 30 avril. 30 avril, ah ouais. 30 D'accord. Avril à la salle de... je sais plus le nom, à Saint-Tille. À Saint-Tille. La salle des fêtes, ouais. Et puis voilà, donc il y aura des cuivres, des percus, enfin ça va être un gros show. Non, mais c'est bien. Mm-hmm. Cool. Moi j'avais pu voir dernièrement, j'avais vu une petite vidéo en direct, et puis vous étiez au VNB il y a quelque temps. Ah oui, on a fait le VNB de Ball. Ouais. Et j'ai reconnu, et après je dis, ça me saoule. Et puis j'avais mis un petit commentaire, c'était sur Facebook. Je dis, ouais, excellent groupe et tout ça. Et puis tout le monde a confirmé derrière. Parce que je vous ai reconnu. Il y avait pas de commentaire, il n'y avait pas le nom du groupe, mais je vous ai reconnu aussitôt. Hein, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, la fois où on est passé sur Arc-en-Ciel, ouais. Le chanteur n'était pas là, il avait. Un empêchement. Il y a eu un problème familial et puis voilà. Donc on a. Ouais, je me souviens très bien. On avait fait quelques trucs comme ça sans chant. Donc c'était... Ouais, mais bon, vous êtes venu aussi au Maverick Live et je me souviens, oui. Il y a plein de personnes qui m'ont dit oh, ce groupe-là était excellent et tout ça. Et j'ai même des gens qui. Bon, moi je côtoie des personnes qui étaient là ce jour-là et qui m'ont dit dès qu'il y a un concert de Sam Soul, tu me le dis que je suis au courant, j'aimerais bien aller les voir. Donc voilà. Oui. On a joué samedi dernier au Festival de la Bière, au Campo Santo. Mmh. C'était chouette aussi. Super. Donc là, ça se réveille un petit peu. Jusqu'à présent, les concerts c'était en stand-by, et puis là, petit à petit, ça se réveille un petit peu. En plus, les gens sont demandeurs. Ouais, les gens ont envie de sortir. Ils en ont marre d'être enfermés. Et puis c'est bien d'écouter de la musique à la maison, mais le concert c'est quand même quelque chose de formidable. Quoi. C'est des conditions différentes. On a les artistes qui sont devant, il y a les lumières, il y a le bruit du public. Ouais, c'est... il faut aller au concert. Hein. Il faut y aller. Il faut y aller. Très bien, bah écoute, tu passeras le bonjour au reste de la troupe, hein, et de la part de l'émission Mavrica, d'Albino. Et puis quand vous voulez, vous revenez aussi dans les studios, hein, y a pas de problème. Okay, hein. Vous faites partie de la famille. Hein. J'en parle aux gars et puis on. Ouais, on essaie de se caler quelque chose. On se cale un truc, oui. D'accord, ok. Bah merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas. Autre chose. Bise Manu, puis va te recoucher, hein, parce que là 20h40, là je comprends pas. on a du mal à le croire que les artistes se couchent tôt. Hein. Si, à partir d'un certain âge. Si. Non, je me suis levé à midi ce matin. Là. Ah, d'accord. Je suis décalé. Ouais, je t'embrasse, je suis content de t'avoir eu encore aujourd'hui. Non. Allez, on t'embrasse et puis à une prochaine, alors on s'est en courant. Ça marche. Allez, oui. Salut. Salut. Salut. Voilà, bah ça fait vraiment plaisir de voir deux personnes qui interviennent, des personnes qui t'apprécient cool, beaucoup, ça c'est se voit. Cool, c'était pas prévu. bah oui, mais moi j'aime bien ça. Je l'ai eu hier au téléphone, évidemment, pour son anniversaire, Manu, et puis... D'accord. Alors c'était hier, alors j'ai 12 jours de plus que lui. Ah, 12 jours. 12 jours. Ah, ok. D'accord, voilà. Effectivement, les gens sur Facebook me souhaitent mon anniversaire au mois de juin, mais en vérité, c'est l'anniversaire de Mavrica, parce que effectivement, le Facebook, on parle pratiquement que de Mavrica, et mon anniversaire personnel, personne ne le sait. Donc voilà, à part les intimes, bien entendu. Mais voilà, je le dis et voilà, un an de plus. Eh ben oui, ça passe. Ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, on est jeune dans l'âme, on est jeune. La musique, ça permet aussi de rester, voilà, de conserver. Ça conserve, comme on dit. Et Gainsbourg disait autre chose. Il parlait de l'alcool pour les fruits et puis de la fumée pour la viande. Mais nous, on va dire plutôt la musique parce qu'on peut la consommer sans aucune modération. On a écouté deux morceaux. Donc, on a écouté le deuxième morceau de ton album sorti en 2013 qui s'appelait Always the Eye. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, ça parle de quoi ce morceau? Ouf, c'est tellement vieux, je sais plus, moi. Always the Eye. Pareil, c'est toujours là. C'est un Always the Eye. C'était plutôt un morceau. Bah pareil, j'avais j'avais ça qui sonne, qui tournait toujours en boucle dans ma tête. Always the Eye, Always the Eye. Donc j'ai tourné des paroles autour d'un œil qui nous surveillerait un petit peu comme dans le livre de George Orwell 1984, quoi. Donc j'ai tourné quelques phrases avec mon anglais de sixième aussi, j'ai pas trop évolué depuis, autour de ça. D'accord. Donc, mais est-ce que c'est pas quelque chose de très actuel aussi? Ah bah ça, oui, complètement. Ouais, oui. Complètement. Hein, je crois ça qu'aujourd'hui on est suivi de partout, hein, partout où on se déplace, nos téléphones, cartes de paiement, les réseaux sociaux, les caméras partout. Aujourd'hui, bon, on est un petit peu surveillé partout. Ah, c'est clair. Et justement, ça me rappelle aussi une série qu'il y avait dans les années 70, même, je crois que c'était même plus vieux que ça, c'était Le Prisonnier, ouais, c'était un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on était un peu dans un paradis, mais on pouvait pas s'en échapper, on était surveillé de partout. Ouais, et dès qu'on essayait complètement prémonitoire, ça, ouais, c'est ouais, c'est vrai, ouais. Que quand on y repense, donc c'est un petit peu le sujet de cette chanson-là. Mmh. Ok. Et puis l'autre, donc c'est une chanson récente que tu m'as envoyée qui s'appelle Je cherche le. Et la joie, voilà. Donc et la joie. Et la joie, c'est un très vieux morceau, comme je disais tout à l'heure. Il y a des morceaux que je dépoussière un petit peu. Et quand j'ai rencontré Mathieu là pour enregistrer, donc cette envie d'enregistrer de manière un peu plus professionnelle, j'ai repris tous mes morceaux que j'avais enregistrés, voilà, chez moi, fait des démos et puis. Il y avait des morceaux là qui sonnaient moyens, quoi, etc. Alors que ce morceau là je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégageait, donc je l'ai enregistré, j'ai fait les claviers à la maison. Donc j'ai demandé à Franck Riedaker. Alors Franck Riedaker, donc le batteur donc Traffic Jam, là, qui va sortir quelque chose avec Arnaud Walden. C'est aussi c'est quelqu'un que j'ai rencontré au CM2. Donc t'imagines un petit peu, il y a très très très longtemps. Et lui qui est batteur professionnel. C'était quelle école où il y a tous les musiciens de la région Si tu connais Coins, c'est près de Pathé. D'accord. Et Manu, je l'ai rencontré après au collège de Pathé. Donc je suis dans ce coin-là, je viens de là-bas. Mmh. Et Franck, donc voilà, bon, on s'était perdu de vue, hein, bien sûr, depuis très très longtemps. Et puis quand j'ai voulu chercher un batteur, j'ai pensé à lui, un batteur professionnel qui a joué avec énormément de monde en France. Avec Indochine, etc. Et ah tout, ouais, d'accord, ouais, carrément. Ouais, ouais, ah ouais, c'est vraiment un batteur pro qui a joué avec vraiment tout, Eddie Mitchell, je crois aussi, tout ça, beaucoup de monde. Donc je lui ai demandé, pareil, de jouer sur ce morceau-là. Il a joué sur les deux morceaux que tu as reçus, là. Mm-hmm. Elle a joué Under the Searchlight, c'est lui qui fait la batterie. Et donc voilà, elle a joué un morceau aussi un peu apocalyptique, des paroles un peu apocalyptiques. Et puis c'est un morceau aussi que je dédie à ma chérie, parce qu'elle aime beaucoup ce morceau-là. Je sais pas si elle m'écoute, je l'embrasse très très fort, je t'aime fort ma chérie. Et voilà, ce morceau-là, je lui dédie. C'est un morceau qu'elle aime beaucoup, même si elle est pas très rock'n'roll, c'est pas voilà sa tasse de thé, mais voilà, il y a des morceaux qu'elle apprécie, dont celui-là. D'accord, bah c'est bien de le dire. Hein, c'est on est à l'antenne, donc il faut j'en le dire. Profite. Faut dire aux gens qu'on aime, faut le dire qu'on les aime. Ceux qu'on déteste, on leur dit rien. Non, on leur dit pas. Voilà, moi je suis comme ça. On va pas perdre de temps. C'est plus important de parler aux personnes qu'on aime, voilà. Et puis le deuxième morceau, Under the Searchlight, alors je suis très content parce que j'ai réussi, alors Internet est toujours aussi magique, j'ai réussi à côtoyer un guitariste que j'admire depuis très très longtemps, et donc qui est le guitariste d'XTC. Alors pour les plus jeunes, ils connaissent pas ce groupe-là, mais XTC dans les années 80, c'est un groupe que j'adorais. Et si on m'avait dit en 82-83 qu'un jour j'aurais un de mes morceaux où il y a la guitare de Dave Gregory, donc qui est le guitariste de XTC sur Under the Searchlight, il m'a fait une super partie de guitare slide dessus. D'accord. Donc je suis très très fier et très content qu'il ait pu poser une guitare dessus. C'est un super guitariste en plus, il a joué avec Peter Gabriel, etc. Enfin, c'est vraiment une pointure, et puis on a juste communiqué par mail, mais tu sens quelqu'un d'hyper facile d'approche, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que Internet, il y a des mauvais côtés, mais jamais j'aurais pu rencontrer ce guitariste sans cette possibilité, quoi. Voilà une bonne chose, hein, parce que on critique beaucoup Internet, tout ça, les nouveaux outils. Bah bien sûr, ça nous piège un peu quelque part. Il faut savoir s'en servir. Hein. Je pense que c'est à l'image de l'humanité elle-même. Et aujourd'hui, on peut aller toucher des gens beaucoup plus loin. Mais avant qu'on sortait, c'était pareil. Dès qu'on va voir des gens, on s'expose. Soit on tombe sur des bonnes personnes, ou soit avec des mauvaises. Mmh. Les rencontres se font comme ça. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais c'est aussi plus facile de tomber sur des mauvaises personnes. Voilà, le truc est là. Très bien. Donc on a parlé de plein de choses. Maintenant on commence à te connaître un petit peu. On connaît les groupes que tu as côtoyés, les artistes que tu as côtoyés aussi. On en a eu deux tout à l'heure à l'antenne. Ah oui, c'était ouais. Grosse surprise. Grosse surprise. Même content. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais savoir quels sont tes projets. Alors le projet immédiat là, justement, je suis en train d'enregistrer un troisième morceau. Donc moi j'ai plutôt envie de. J'ai sorti un EP 4 titres, donc un CD physique, mais aujourd'hui on se rend bien compte que il y a de moins en moins de possibilités de distribution de CD ou de 33 tours, enfin moi à mon niveau. Donc voilà, j'ai pris le parti plutôt de sortir des morceaux comme ça, un peu au fil de l'eau. Donc là toujours avec Mathieu l'enregistrement, on va faire un morceau en anglais. Morceau un petit peu enlevé, un peu plus rock. Toujours avec, donc non pas toujours, donc là avec Laurent la guitare, qui qui va me faire encore une super prise de guitare dessus. Et puis, je vais retrouver le batteur danois que j'évoquais tout à l'heure, là, qui joue sur le CD, là, de Joël, qui est un batteur que j'adore. J'adore tout ce qu'il fait, quoi. Ça a vraiment de la patate, quoi. Donc voilà, ça devrait sortir dès que tout le monde est prêt, quoi, dans quelques semaines, je pense. Et puis, j'ai commencé aussi à envoyer les morceaux à des labels, des journalistes aussi, etc. Donc toujours avec des moyens de communication, qui sont assez faciles, hein, les mails, etc. Et tout. Et puis j'ai des retours plutôt sympas, donc ça c'est aussi bien. Ça passe aussi. Ça a été mon morceau est programmé sur deux radios aussi, en dehors de Searchlight, sur la grosse radio. Je sais pas si tu connais la grosse radio. Tout à fait, la grosse radio. Si on veut écouter du rock, aujourd'hui, il y en a pas beaucoup de. Il y a, heureusement, sur Internet. Mmh. Avant, on écoutait les radios locales. Mmh. Aujourd'hui, si on veut écouter, par exemple, du rock, il y a des radios qui sont pour le rock, d'autres pour le disco, etc. Il y a énormément de choses. Et sur Internet, alors là, c'est illimité. C'est on peut écouter les radios de l'autre bout du monde. Il n'y a pas de souci. Et donc, justement, c'est une des radios dans laquelle on peut écouter de la bonne musique. Mmh. Et ça me fait plaisir que tu sois là-bas. Donc la grosse radio, il passe en dehors de Searchlight, et puis aussi passer Wilfried, là on est le premier morceau que t'as passé. Puis une autre radio, Oxway FM aussi, qui passe pas mal de groupes indépendants, etc. Et puis j'ai appris là cette semaine que j'avais un morceau qui était intégré dans une liste Spotify aussi, une liste Indie Folk, donc je suis content aussi. Donc voilà, voilà ce que j'ai un peu en projet. Pas trop de projets de scène, parce que c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas. Je garde ça un petit peu, parce que c'est vrai que puis quand j'entends Fred et tout ça, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vrai que le côté aussi de monter sur scène avec des potes et tout ça, et c'est quand même quelque chose d'assez unique quand même. Est-ce que tu as pas justement comme projet de jouer avec d'autres musiciens là, par exemple sur une scène, quelqu'un qui t'inviterait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire ça? Écoute, pas récemment, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Par exemple, quelqu'un qui cherche un guitariste, et puis hop, vous faites un petit truc, et puis voilà, tu interviens dans un autre concert, ça peut. Non, ça peut bien sûr, je suis ouvert, pas de souci. Donc, si jamais. Donc, voilà, tu peux lancer l'appel. Lance l'appel, donc si vous voulez que vous avez un concert dans lequel il y aura une belle scène, du public, et vous avez envie de faire intervenir des gens, un bon guitariste de la région orléanaise, vous pouvez contacter Bruno Bauer. Enfin, qui est bon guitariste, je pense qu'ils vont en trouver mieux que moi quand même. Guitariste chanteur. Tu es plus chanteur que guitariste ou? Ouais, je pense que je suis plus chanteur que guitariste, oui. D'accord, très bien. Je sais que tu fais très bien les deux, mais bon. Merci, après... je te remercie. Mais bon, les guitares, bon, voilà. Et tu joues même de la basse, tu nous l'as dit tout à l'heure aussi. Ouais, mais bon, pareil, pas assez bien, c'est clair. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé d'un groupe qui s'appelle Yeti. Ah, on s'écoute un clip Yeti. Sébastien, super sympa. Ouais, Sébastien. Alors là, c'est un groupe, je leur en veux un petit peu. Ah. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà venus deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils n'ont jamais joué de morceaux en live. Ah, mais c'est parce qu'ils vont tout casser, là, c'est pour ça. Ils sont trop brutaux. Par contre, on les avait programmés pour le Mavrika Live numéro 12, qui a été annulé à cause du Covid. Ouais. Et donc, dès qu'on aura la possibilité de redémarrer donc les Mavrika Live, régulièrement, on essaie d'inviter des artistes. Nous, on est une association vraiment Mavrika, qui existe depuis déjà quelques années. Et on a la possibilité, grâce à la chapelle Saint-Mémin, et qui nous prête la grande salle. On a une salle de 500 personnes dans laquelle on peut faire jouer des artistes. Donc nous, on s'occupe de la sono, on s'occupe de tout ça, de l'organisation, et on fait venir des groupes, et puis on essaie de mettre justement en relation les groupes et le public. Donc on en parle à la radio, et puis on fait les Mavrika Live depuis déjà quelques temps, et malheureusement ça s'est pas fait. Donc dès qu'on a la possibilité de le refaire, on essaiera d'en faire profiter au maximum, et j'espère que les gens auront envie de venir voir les bons groupe de la région orléanaise, parce qu'on sélectionne comme les meilleurs. Hein. Et depuis un certain temps, on a demandé aussi au public d'intervenir. C'est-à-dire que nous, on a un choix, on fait un choix, mais on a demandé aussi aux gens de voter pour que le groupe qui sont choisis se retrouve sur scène et on passe un bon moment ensemble. Voilà, donc c'est cool. Très bien, donc on va écouter le groupe Yeti, et j'ai choisi le morceau, j'aime bien ce morceau-là, c'est pour ça que je le diffuse, c'est The Maze. Et en plus, je crois que les Yeti, je cherchais le morceau tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je passe celui-là, parce que j'aime bien. Ils avaient repris aussi un morceau de XTC, on en parlait... Making Plans on Angel, et Burning Heads aussi ont repris... Et Burning Heads aussi, ouais, effectivement. Si je cherche bien, je dois les avoir ici, mais bon, c'est un petit peu compliqué de chercher en direct, mais on les écoutera dans les prochaines émissions, il n'y a pas de souci. Yeti, The Maze. Petit matin, tout comme les appels au secours de nos âmes en détresse. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. T'inquiète le sens, tu rumines en silence et tu recherches en vain un peu de cohérence dans le film en grand, dans les jeux des planètes. Au fond de ta conscience, y a cette voix qui murmure comme un appel au loin. touche à sa fin, il reprendra demain sur une autre planète. Une nouvelle étoile sous laquelle nous pourrions voir nos âmes grandir et s'éveiller enfin au mystère qui depuis toujours hante nos têtes. Un petit morceau des Yeti, hein, un groupe qu'on apprécie énormément. Je les ai déjà vus je sais pas combien de fois sur scène et je m'en lasse jamais. Et le morceau s'appelle The Maze. Et juste après, c'est un groupe que j'ai découvert. Hein, je ne souviens même plus quelle région, mais ça fait la deuxième fois qu'on le diffuse ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle 21 grammes. Hein, il a des belles paroles en français. Et le morceau s'appelle Le jeu des planètes. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et pas seulement parce qu'on va voyager aussi grâce au téléphone. Le téléphone marche toujours et nous avons quelqu'un qui va discuter avec nous. Salut. Salut. Ah bah ça marche. Ah bah dis donc. Ouais. Nickel. Bon, ouais, bah ça fait plaisir. Hein. Voilà, plusieurs personnes qui interviennent. Donc tout à l'heure il y a eu Manu du groupe Samsung, il y a eu Fred aussi que tu connais bien, je crois. Un petit peu. Il me semble. Ouais. C'est le même page qu'on parle. Oui. Ouais. Donc c'est Christophe qui nous appelle hein, régulièrement et qui avait aussi envie de parler un petit peu avec nous. Hein. Vous vous connaissez bien, non ou... Christophe, il joue avec Iron Troopers. Iron Troopers. Ouais. Iron Troopers et puis Et puis Prisma. Il y a Prisma puisque l'actualité en ce moment c'est plus Prisma que les Iron Troopers. Et donc salut Bruno. Salut Christophe. C'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, mais je connais plus Fred évidemment, mais je crois que vous avez des amis Fred, communs, voilà. Voilà, on a des potes communs, et puis je suis venu vous voir jouer à l'époque à Olivet, notamment au moment de la fête de la musique de mémoire, sur une belle scène, et puis voilà quoi. Donc c'est bien cool, et puis encore une fois merci Albino, voilà, d'inviter. Les Icos, des groupes locaux et puis de faire vivre l'actualité musicale dans notre belle région et puis de faire que les gens puissent se connaître, voilà, et se découvrir. Mmh. C'est ça qui est excellent. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Moi, je qualifie souvent l'émission Mavrika comme le trait d'union entre les artistes eux-mêmes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de rencontres qui sont faites grâce à cette émission. Et puis il y a aussi avec les auditeurs hein, qui sont aussi des spectateurs lors des concerts. Donc ça, c'est important. Bah voilà. Mmh. Exactement. Et là, justement, au moment où que le téléphone sonnait, d'ailleurs, il a pas sonné. Je comprends pas tout. Des fois, il sonne, des fois, il sonne pas. Là, j'ai vu que ça avait clignoté. Donc, j'ai décroché et puis je t'ai trouvé. J'étais en train de montrer à Bruno justement deux albums. J'en avais un dans chaque main, un des Chili Dogs et un de Prisma. Voilà. Comme quoi, le monde est petit, hein. Franchement. Le monde est petit. Et puis, je viens seulement malheureusement de prendre l'émission parce que voilà. la vie fait que t'as plein de choses à faire et puis que les 24 heures qu'on nous donne ne sont pas suffisantes. Mais bon, voilà, j'ai pris le temps de prendre des missions en cours et puis. Oh, surtout que c'est pas fini et en plus il va y avoir les lives. Là. Comment ? En plus c'est pas fini, il nous reste encore une heure hein, et il va y avoir les lives parce qu'il a apporté sa guitare, il va nous faire quelques morceaux en direct live dans les studios. Yes, impeccable. Direct live. T'es toujours limité à une seule personne, Albino ? Non, trois personnes, voilà. Donc voilà, ça s'étoffe un petit peu plus. Et exceptionnellement, effectivement, avec la direction de Radio Arc-en-Ciel, quand j'ai une quatrième personne qui est là, voilà, je fais une demande spéciale et bon, il accepte. Hein. Bon, il faut faire attention avec le Covid et tout ça, c'est pas évident. Mais bon, si on fait attention, on garde nos gestes, nos distances et tout ça. Et puis si c'est des gens qui ont déjà l'habitude d'être ensemble, donc en principe, ils vont pas se contaminer les uns les autres. Bon, il faut savoir que bon. C'est cool. Donc, pourquoi tu aurais envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, peut-être Pourquoi pas Pourquoi pas Mais vite fait, bien fait, voilà, au niveau de Prisma, puisque voilà, ça commence quand même à rebouger. Il y a quelques concerts, notamment le festival de Creek for Zik, le festival qui s'appelle Creek Fest. À Cléry-Saint-André le 26 février, ça se rapproche et puis voilà et puis il y a des concerts qui sont en train de se booker gentiment mais sûrement. Il y a en actualité une grosse surprise. Bon, c'est de la vidéo, hein, donc vous verrez bien sur la page de Prisma. Mais je viens de recevoir l'exemplaire de la version de base et franchement c'est une tuerie, on est hyper content du résultat, donc voilà, on diffusera ça très prochainement sur les pages du groupe et puis ce qui est prévu, on a quand même maintenant une petite dizaine de nouvelles compos qu'on va enregistrer dans le studio de Creek for Zik et puis voilà, l'idée, c'est en fin d'année d'avoir sous le sapin, ça serait bien, en tout cas, le nouvel album de Prisma. Voilà, ah, le vrai. D'accord, le vrai. Pourquoi l'autre, c'est un faux? Non, mais l'autre, c'est un mini. Voilà, là, ah ouais, oui, c'est vrai que tu me l'avais déjà dit. Effectivement, le premier, c'était un 4 titres. Et là, donc, il y en aura beaucoup plus. Il y en aura combien? Entre 8 et 12. D'accord, donc un vrai album, quoi. Voilà, un vrai album, c'est ça. Et puis, non, mais bon, on a l'impression quand même que la vie, enfin l'événementiel, voilà, reprend à peu près correctement. C'est encore un peu compliqué, mais voilà, ça reprend et on est tous ravis, quoi. Maintenant, on n'attend plus que le public soit présent. Ouais. Parce que malheureusement, j'ai l'impression, je sais pas hein, si c'est l'effet Covid des deux ans cloîtrés chez nous, mais là j'ai pas mal de potes là qui jouent notamment ce week-end et qui me disent que voilà, le public est pas forcément encore entièrement au rendez-vous, donc faut que le public sache que ça y est, les jauges sont revenues à 100%, donc faut absolument pas hésiter. Les artistes ont besoin que le public soit là. Parce de toute façon, Bruno, tu vas pas me contredire qu'un musicien, il s'éclate à jouer ce qu'il aime jouer, mais il s'éclate encore plus, voire le double, quand il y a du répondant, notamment le public qui est présent en masse suffisante. Voilà. J'imagine. Donc voilà, ça a l'air de reprendre à peu près correctement. Et puis, en espérant que voilà, ça soit du passé maintenant derrière nous, que tout ça revienne pas nous faire chier à un moment donné. Et puis voilà quoi. Profiter de la vie, c'est le leitmotiv. Voilà. D'accord, super. En tout cas, écoute, moi ce que je te propose, c'est je vais te dire un mot et tu vas me dire si t'es d'accord. Give me your body. Il me semble que c'est un titre d'un groupe, ils sont 5. Voilà. Ouais, 5 sympas. C'est le troisième titre du le fameux mini EP qui s'appelle ADN, qui est toujours dispo d'ailleurs. Hein, s'il y a des gens qui souhaitent se le procurer en attendant les concerts, ils sont toujours chez les bons disquaires du coin. et ou en commande sur notre site, sur notre page, voilà, à distance. Il suffit de vous contacter et puis vous leur expliquer comment se les procurer, quoi. Ou vous les envoyer, tout ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Exactement, c'est ça. Bah, très bien, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, tout à l'heure, on a eu Fred, mais bon, toi, c'est Chris, il y a Gilles, il y a Phil et Ben. Voilà, le reste du groupe. Alors, tu leur passeras le bonjour de notre part, et puis, Ils vous entendent, hein. Bah, ça fait plaisir. Voilà, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, en tout cas, bonne émission encore à vous. Voilà, Bruno, et puis Albino. Merci encore, Albino, pour tout ce que tu fais. Voilà, pour la ZIC locale. Ouais, mais en même temps, je me fais plaisir, c'est pour ça que je le fais. Attends, moi, ce que je veux, c'est je me fais plaisir et puis j'essaie de partager mon plaisir avec d'autres auditeurs. Il y a plein de passionnés comme ça. Il y a des gens qu'on retrouve assez régulièrement dans tous les concerts d'Orléans. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver. C'est important, quoi. Une question, Albino, au niveau Maverick Alive. Tu as des infos parce que... Non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais bon, dès que les salles seront disponibles et on pourra les avoir, oui. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de nouveau. Non, mais c'est pour savoir, justement, parce qu'il y a ton émission. Il y a l'émission Mavrika, mais il y a aussi le bon côté du Mavrika Live qui permet de voir les groupes directement en vrai, de vrai. En chair et en os. On peut même les toucher. Bon, allez, je vais arrêter. Il y en a qui se gênent pas pour les toucher. Non, mais ça ne regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Non, je déconne. Mais voilà, on espère tous que les Mavrika Live puissent reprendre comme avant. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de Yeti, et effectivement, eux, ils étaient prévus à l'affiche du Mavrika Live numéro 12. Ça, c'est pas fait, mais bon, on va recontacter les mêmes pour le prochain. Et si vraiment ils sont pas dispo, ou voilà, on contactera d'autres personnes, mais on va essayer de partir avec la même affiche. Eh ben, avec plaisir, pas de problème. Je te remercie de ton appel, et puis à très bientôt. Merci Christophe, et puis longue vie à Prisma. Ah, c'est gentil, merci Bruno. Bon courage à toi aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Ciao, ciao. Like a revelation. I remember when you came into my life. It was just like a confirmation. We'll be right back. Voilà, quand je vous disais que je tenais entre les mains deux bons albums de bons groupes de la région orléanaise, donc on a écouté Prisma avec tiré de l'album ADN, un morceau qui s'appelle Give Me Your Body, et juste après c'était les Chili Dogs, tiré de l'album Something Must Change, et c'est le titre qui s'appelle de la même manière, donc Something Must Change. Voilà, deux excellents groupes, si vous avez l'occasion de les voir sur scène dans la région orléanaise ou ailleurs, n'hésitez pas, allez les voir, ça c'est important. Et puis vous savez, les concerts, on vous dit toujours de sortir, hein. C'est vrai que des fois ça demande un petit peu d'effort, et en plus on est devenu un petit peu paresseux avec le Covid, on s'est habitué à rester à la maison, et aujourd'hui ça va être un petit peu plus difficile à ressortir, mais en plus l'hiver s'installe aussi, mais bon, ça c'est pas une excuse, hein. Quand on a envie d'aller voir des groupes sur scène, on y va, et puis on passe toujours des très bons moments, et en plus dans l'émission Mavrica, vous savez, c'est l'émission de live aussi, et on a justement notre invité Bruno Bauer ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il est juste en face de moi. On a juste une vitre qui nous sépare. On a un studio comme ça qui est séparé. D'un côté la technique, de l'autre côté les invités. Et il a pris sa guitare. Et ce qu'on va faire, on va voir déjà si le son de la guitare ressort, puisqu'il va nous interpréter des morceaux en live. Ça va, Bruno? Ah bah la guitare, ça va, tu l'as bien. Un accord qui passe, c'est bien. Voilà. L'accord passe bien, la guitare passe bien. Pour moi, ça me semble pas mal, hein, le niveau. Et puis après, ta voix, je suppose que quand tu chantes, tu en vois plus que quand tu parles. Un petit peu plus. Donc, je vais baisser un petit peu. Et pas, puis, je vais pas faire du hard rock. Hein, ça va être plutôt intimiste, hein, quand même. D'accord. Donc, c'est en acoustique. Hein, t'as amené une très belle guitare. Ouais. Et c'est ta préférée. T'en as plusieurs. Alors, justement, je vais dédier ce morceau aussi à mon fils. Qui m'a acheté, ramené cette très belle guitare, cette Andrew White des États-Unis. D'accord, c'est une vraie américaine. sa chérie est aux États-Unis, donc il fait quelques allers-retours. Et à chaque fois qu'il revient des États-Unis, il me ramène une guitare. La dernière fois, il m'a ramené un banjo, donc c'est pas mal. Comme ça, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est effectivement. C'est pas mal, c'est sympa. Comme cadeau, il sait qu'il va me faire plaisir à chaque fois. Donc, mais celle-là est très très belle. Donc, je me demande si c'est même la première fois que je la sors de chez moi, quand même. Exprès pour Mavrica, quand même. Ah bah en tout cas ça fait plaisir, hein. Donc une très belle guitare. De toute façon, ce qu'on va faire tout à l'heure à la fin de l'émission, on fera quelques photos, ah, et oui, comme ça les auditeurs pourront retrouver les photos très bientôt sur le Facebook de l'émission Mavrica. Et puis les photos, c'est pareil, toi tu t'en sers comme tu veux, hein. Voilà, ça nous fait plaisir, ouais, écoute, on est dans le partage, et comme ça ça fera un bon souvenir. Moi j'aime bien me replonger des fois dans les photos, comme la semaine dernière on avait reçu Willy, et on était retourné en 2013, ce qui est déjà pas mal. Et on a retrouvé les photos de son dernier passage. Donc, toutes les photos sont conservées, ouais, et puis on les partage. Bien. Et voilà, ça fait partie des souvenirs, comme on disait, des enregistrements, mais les photos aussi. Des fois, on se dit, tiens, il est plus là et on n'a pas de photo de lui. Et c'est dommage, j'aurais aimé tellement avoir une photo. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va laisser, hein. Donc, les enregistrements, les photographies, les vidéos, quand il y en a et tout ça. Et ce soir, en tout cas, on va profiter du moment présent avec Bruno Bauer, qui va nous interpréter une chanson. Je te laisse la présenter. Donc c'est un morceau aussi que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, c'est de cette année. C'est un morceau qui s'appelle « So Many Miles Away ». Donc je vais essayer de vous l'interpréter. Voilà, je l'ai mis aussi sur mon SoundCloud avec un petit peu plus d'arrangement, un petit peu de percussion, etc. Mais... D'accord, moi j'irai fouiller dans le SoundCloud, ouais, parce que effectivement je ne savais pas, mais s'il y a de la musique, on ira écouter tout ça. Et j'invite tous les auditeurs à faire de même. D'accord. C'est bon, c'est parti, on y va. How many times I must stay here until all clouds disappear away, my legs wait for the day. I can run and fly away. I threw the hole into this place. the light I approach my face. Inside, what is there behind? What I'll discover, I'll define. The grown-ups are so tall. Will I bear them after all? And it lasted so many years. To stumble and fall down, we will pick up me to the ground. I say my legs wait for the day. I can run so many miles away. I'm locked into this place. They can't see a sadness on my face. And it lasted so many years. So many miles away. So many miles away. Jusqu'à la dernière note dans l'émission Mavrika, Bruno Bauer en direct beaucoup. Live avec un morceau qui s'appelle So Many Miles Away. Tu veux nous en parler un petit peu de ce titre, un peu plus, de son contenu, de... Alors donc, son contenu, bah pareil, c'est-à-dire que c'était un morceau que j'avais ça en tête, et puis So Many Miles Away, c'est des termes qui arrivent un petit peu comme ça. Au début, tu chantes en yaourt, et puis voilà, au-dessus sur la mélodie, et puis il y a des termes qui vont s'embriquer un petit peu tout seul, et puis donc voilà, donc So Many Miles Away m'est apparu, et en même moment, je suis tombé sur une photo sur sur internet d'un enfant qui regarde par le trou de la serrure et qui voit la lumière qui apparaît sur par le trou de la serrure, et ça m'a comment dire, ça m'a inspiré tout le reste du morceau. Et donc c'est un enfant qui se demande comment va être sa vie. Finalement, il y a la lumière au loin. Mais lui, il est un peu dans le noir, donc voilà. C'est jamais très gai, en fait. Mes parents sont jamais très gai. Non, mais je vois que tu travailles aussi d'après des images. Et, donc, il y a un côté visuel quand même. Quand tu composes tes chansons, il y a des images qui t'apparaissent et qui te donnent, qui t'inspirent. Oui, oui, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas toujours, mais souvent, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des couleurs qui sont liées à certaines musiques? Là, tu me prends de court, là. Parce qu'il y a une question que je pose assez régulièrement, c'est quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux ton univers? Si je dis le gris, j'ai le droit ou pas? Oui, nous, on accepte. On accepte le gris. Ouais, c'est vrai que des gens disent que le noir, le blanc, ce ne sont pas des couleurs. Si, nous, on l'accepte dans l'émission Mavrika, parce que c'est aussi, bon, si on regarde, par exemple, le ska, c'était blanc et noir, donc, bon, bah, oui, forcément, il n'y a pas d'autres couleurs. Et là, le gris, c'est le fondu entre les deux, hein, donc, le gris. Le gris, et puis après, une couleur vive, je ne sais pas, le vert, un vert clair, un vert. Et c'est deux couleurs en fait parce que mes chansons sont assez souvent assez mélodiques, assez chantantes. Mais c'est pour ça que j'essaye toujours un peu de contrebalancer avec des paroles un peu tristes, un peu grises. Donc voilà mes deux couleurs. Ça va bien avec mon univers musical en fait. Ouais, mais tu dis que c'est triste tout ça, mais moi j'écoutais tout à l'heure la guitare, tout ça c'est moi je voyageais un petit peu parce que j'aime bien le son. Déjà t'as une très belle guitare, ça sonne très bien, ta manière de jouer, puis la voix. Non, moi j'étais transporté là avec un morceau que je découvre comme ça, et tout de suite il me plaît bien ce morceau là. Donc on va essayer de voir les autres versions qui y a dans le SoundCloud par exemple, et puis après si tu vas l'intégrer dans un prochain enregistrement peut-être en studio peut-être parce que celle-là justement elle est très agréable à chanter et je pense à enregistrer aussi. Elle va pas ça peut il y a, je le disais tout à l'heure, il y a des morceaux qu'on aime bien et pourtant quand on les enregistre ça sonne pas comme tu l'avais imaginé, alors que ça ce morceau-là peut être un morceau qui je pense qu'on peut en faire quelque chose. Ouais. D'accord. Donc là, c'est le premier morceau que tu interprètes. Hein. On arrive à il reste une demi-heure dans l'émission. Hein. Donc donc on a fait un petit peu patienter les auditeurs en disant il y aura du live, mais souvent on le garde pour la dernière heure. Tu vas nous en interpréter un autre morceau ? Ouais. Je vais faire un morceau en français. Par contre, ça c'est un vieux morceau que j'aime bien faire à la guitare acoustique. C'est un morceau voilà, je vous laisse un petit peu vu qu'il est en français j'aurais pas trop à l'expliquer après. Par contre j'ai un chat dans la gorge, donc je tousse, c'est pas très agréable. C'est un petit peu l'époque en automne. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour certaines choses hein. Mais bon ce soir en tout cas ça sera comme ça. Très bien, à toi. Donc ce morceau s'appelle Élevé. Élevé, j'arrête la petite musique et puis l'antenne est à toi. C'est okay. Parti. C'est quand on n'a plus rien à dire qu'il faut entretenir l'idée que notre amour est élevé. C'est quand on a tout perdu qu'il ne nous reste guère plus. Nous amarrons Bravo. Superbe morceau en français. Merci. C'était pas facile. Ah, j'imagine, hein, oui. Bah, ça me rappelle. Sans filet. Je sais pas si tu avais entendu justement la dernière chanson, Willy, la semaine dernière, il avait plus de voix, il s'était un petit peu étouffé sur le dernier morceau, il a pas pu la terminer, mais bon, c'est les aléas du direct, hein, et puis on direct live. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de. D'autotune. Il n'y a pas d'autotune, donc c'est vraiment ta voix, et on est en direct live et tu t'accompagnes à la guitare, c'est formidable. Voilà, encore un autre morceau peut-être. Bah écoute, je vais faire un morceau que je vais dédier à mes copains de White Bard. Ouais. C'est un morceau qu'on faisait avec The White Bard, donc vu qu'ils ont fait, j'ai eu le grand plaisir de les entendre, Manu, Fred et puis Laurent, je sais pas si. Je sais pas s'il m'écoute, il m'écoutera peut-être plus tard. De toute manière, on est toujours en relation. Donc, je vais faire un morceau qu'on faisait avec The White Bar qui s'appelle Push to the Limits. Pareil, je vais essayer. Ah ouais, on va te pousser jusqu'aux limites, là. On va vous pousser vers les limites de ma voix. Allez, on y va, on se lance. And rounds in your veins. What could I be so blind? My terrors become pain. I'll never find a peace of mind. Yes, you push me to the limits, down to the ground. Everything is heavy when you are on a run. Yes, you push me to the limits, down to the ground. Yes, you push me. Your lips, you say that you're so sorry. You know that at your fingertips. Yeah, you push me to the limits, down to the ground. Everything is happy when you are running around. Yes, you push me to the limits, down to the ground. Yes, you push me. Yes, you push me. To the ground, everything is happy when you are around. Yes, you push me to the limits, down to the ground. Everything is happy when you are around. Yes, you push me to the limits, down to the ground. Yes, you push me down to the ground. Yes, you push me down to the ground. Yes, you push me down to the ground. Yes, you push me down to the ground. Bravo, Push Me to the Limit, c'est ça le nom du push morceau. Push to the Limit. Voilà, en direct live, Bruno Bauer. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'écouter des morceaux. En plus, ça sonne super bien. Une guitare, une voix, c'est suffisant. L'émotion passe dans l'émission Mavriga. Et j'espère qu'elle passe aussi à travers les transistors pour tous les auditeurs. D'autres morceaux, là, t'es chaud, là? Je vais peut-être en faire une dernière. Comme tu veux, ouais. Ça nous fera plaisir en tout cas. Parce que c'est un morceau que je faisais il y a très très longtemps et qui est repris il y a pas très longtemps. C'est un morceau de Echo and the Bunnymen. Ouais. Alors pour les jeunes, je sais pas, c'est vrai que ça leur parle peut-être pas, mais moi oui. Je crois que ça doit être un morceau qui doit dater des années 82, 83. Et c'est leur morceau peut-être le plus connu qui s'appelle The Killing Moon. Et super. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, Allez écouter Echo and the Bunnymen. Et puis XTC, tous ces groupes-là des années 80, Clash et compagnie. Il y avait d'excellents groupes et qui nous inspirent encore aujourd'hui et qui ont marqué leur époque. Et je crois qu'aujourd'hui, si la musique elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a eu ces groupes-là. Quoi. Je vais tousser un petit peu encore parce que j'ai mon chat dans la gorge. Je vais enlever le casque parce qu'il commençait à tomber. C'est bon? D'accord, comme tu veux. Hein. Moi, de toute façon, j'essaie de capturer au mieux. Et donc, j'ai deux potentiomètres pour gérer la guitare et la voix. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ça fait plaisir. Une guitare, une voix. Bruno Bauer était à la guitare et au chant. Donc, pour nous interpréter cette superbe reprise de Echo on the Bunnymen qui s'appelle The Killing Moon. The Killing Moon. Voilà. Moi, quand tu m'avais dit le titre, je dis oui, je connais le morceau, mais ça me revenait pas. Et là, tu l'as interprété. Et effectivement, reconnu quand même un petit peu. Ouais. Ah ouais. Non, effectivement, c'est des bons souvenirs. Ouais. C'est vrai que c'est des morceaux qu'on a connus à une époque et aujourd'hui sont peut-être un petit peu oubliés, ce qui est un petit peu dommage. Et donc, il faut aussi les ramener un petit peu de temps en temps parce que c'est assez rare d'allumer une radio aujourd'hui et puis de tomber sur des morceaux comme ça. Mais il y a quand même certaines radios qui le font, hein. Et nous, on le fait aussi dans l'émission Mavrica dès que c'est possible. Donc, on aime bien revenir un petit peu en arrière et je puis pense aussi. Qu'un bon morceau, ça reste toujours un bon morceau. Bah ouais. Il n'y a pas, Il n'y a pas d'âge. Non, y a pas d'âge. La semaine dernière, on avait écouté un morceau, on se dit il a au moins 10 ans et qu'on a réagi, il avait 26 ans. Ouais, c'est pas un morceau espagnol. Ah, espagnol, ouais, Jarabe de Palo. Ouais. D'ailleurs, je voudrais, en exclusivité, hein, personne n'est au courant encore, hein, même pas la direction de Radio Arc-en-Ciel, mais je pense que ça va se faire. Il y aura peut-être une nouvelle émission espagnole, justement, très bientôt. Donc, je vous en reparlerai très bientôt, mais soyez à l'affût parce que une nouvelle émission avec des artistes en espagnol dans ce genre-là justement pourrait un petit peu changer par rapport à d'autres parce qu'en Espagne il y a énormément de musique, hein, donc il peut y avoir des musiques un peu plus classiques, des musiques un peu plus, et là c'est plutôt les musiques un peu modernes, donc il y aura une nouvelle émission, ça se, je peux vous l'annoncer dès à présent, et je sais que même la présidente n'est pas au courant. Voilà, c'est un scoop. Voilà, donc tu as interprété plusieurs morceaux en direct live, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis là, maintenant, il nous reste encore deux morceaux à écouter de ton album qu'on n'a pas écouté. Et puis, donc, il y a un morceau qui s'appelle « Les bondieuseries ». C'est « Bondieuseries ». Et « Ce vélodrome d'hiver ». Voilà. J'ai pas de message en particulier concernant la musique, qu'on l'écoute ou qu'on en fasse. Je trouve que ça c'est tout à l'heure je parlais que pour moi c'était un peu comme pour comme respirer, faire de la musique. Et je pense que tous les musiciens, d'ailleurs les musiciens qui ont appelé tout à l'heure vont être d'accord avec moi. C'est quelque chose, c'est en nous quoi. C'est, et il y a ceux aussi qui n'en font pas mais qui écoutent la musique et pour eux c'est tellement important. Et des fois, je vais dire une banalité, mais on n'est pas très bien et qu'on est un fan de musique, il suffit des fois qu'on écoute juste un morceau de son groupe préféré et c'est déjà, bah, ça va un peu mieux. Mmh. Et je dis ça aussi parce que bah, on a vécu une période où justement, on nous a quand même dit que la culture c'était pas super important. Et je pense que des fois c'est peut-être aussi important que beaucoup de choses quoi. Donc voilà, si j'ai un message à passer, c'est pas un message très original, mais la musique c'est tellement important pour beaucoup de monde. C'est très important, c'est, je dirais même primordial, hein, comme tous les arts en général, hein, ça donne du, c'est meilleur que finalement après prendre des médicaments pour se soigner. Je n'osais pas le dire parce qu'aujourd'hui avec les vaccins etc et tout, mais finalement voilà, donc c'est vrai que ça donne le moral, et puis après la santé va avec aussi, hein, quand on a le moral, quand on a tout ça, ben, on a l'impression d'être un peu plus fort. Et la musique, c'est vrai que il suffit d'écouter son groupe préféré, ou des fois aussi on écoute la radio ou un truc comme ça et on tombe sur une chanson qui nous donne une émotion, et des fois aussi des chansons comme celle que tu as interprétée tout à l'heure, morceau qu'on avait un petit peu oublié, ça fait des années que je l'ai peut-être pas entendu, mais là elle est revenue, et l'émotion que j'avais sentie il y a des dizaines d'années, elle est revenue à nouveau, donc voilà, c'est quelque chose qui est gravé, et c'est l'émotion qu'on transmet, plus que la musique, oui, c'est quelque chose, mais c'est l'émotion qui est le plus important, et ça, quand on y arrive, eh ben, c'est formidable. Donc, voilà. En tout cas, moi, pour moi, je suis pas musicien, mais j'apprécie énormément la musique. Il y a toujours de la musique chez moi, tout le temps. Dans la voiture, il y en a tout le temps, il y en a partout. Et quand je l'ai pas, eh ben, j'ai dans la tête. Donc, voilà. Et puis, et pourtant, je suis pas musicien, mais une vie sans musique serait une erreur. Ça, c'est une des phrases magiques qu'on dit à la fin de chaque émission. Voilà, on l'a dit tout à chaque fois. C'est tout à fait ça. Voilà, en tout cas, merci pour ce message. D'autres choses encore à rajouter qu'on aurait oublié ? Non. Non. pas dans l'immédiat. Donc, pas de. Après, bon, voilà, j'ai dit un petit peu mon actualité au niveau des morceaux. Peut-être faire un clip aussi. Ah, voilà, ça fait partie des projets, ça donc, aussi. Donc, voilà, j'ai pas trop démarché, donc je sais pas trop si dans le secteur il y a des personnes qui. Font des clips, dont je lance un appel à régler. Ouais, il y a des gens qui ont, justement, on recherche assez souvent des gens qui font des clips parce que, effectivement, les musiciens s'occupent de la musique, s'occupent de la composition et tout ça. Mais après, c'est autre chose, hein. Faire une vidéo, il y en a certains qui font un petit peu les deux. Mais bon, il y a aussi des gens dont c'est le métier de faire des vidéos, ou alors ils sont ils sont des amateurs avertis, donc ces gens-là peuvent aussi aider. Donc si jamais il y a quelqu'un qui écoute, à la limite, vous rentrez en contact avec Bruno. Comment on peut faire pour te contacter? Ah bah oui, m'ont contacté, j'ai une page Facebook, Bruno Bauer. J'ai une chaîne YouTube aussi, où j'ai mis quelques clips, mais vraiment, c'est des trucs faits à la maison. Et puis même des fois, c'est juste une image. J'ai eu un SoundCloud, donc je l'ai dit tout à l'heure. Sur Spotify et Deezer, on peut écouter les morceaux que j'ai enregistrés, là, le CD et puis les deux morceaux que j'ai enregistrés. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, déjà pas mal, ouais. Et après, une adresse mail peut-être où on peut te contacter? Bruno Bauer 45, @gmail.com. Voilà, c'est simple, hein. gmail.com, donc Bruno Bauer 45. Par contre, hein, reste, même si maintenant j'habite dans le Leure-et-Loir, je suis parti à l'étranger, mais toujours 45. So far, oui. Très bien, donc je propose qu'on écoute encore un petit morceau, là. Donc on est arrivé au troisième morceau de l'album enregistré en 2013, j'en veux, hein, 1900 et quelques. Ouais, on revient du Il faut dire que on vient de là aussi. Alors, c'est bondieuserie. Tout à fait. Tu veux nous dire quelque chose de particulier? C'est bondieuserie. Là, par contre, les paroles sont assez explicites. J'ai très peur et je suis un anticlérical convaincu, un anti-religieux. Je pense que les religions font plus de mal que de bien. Voilà, c'est ma conviction profonde. Alors donc, qu'elles ont la vocation justement de transmettre la paix, et malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. Et voilà, donc c'est... je pense que voilà. Donc dans ces bondieuseries, tout est dit et malheureusement, les religions font beaucoup de mal depuis maintenant des millénaires. Très bien, on écoute tout de suite alors. Veuillez prendre pitié de nous sous ces siècles vicieux, mais bon. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a l'habitude de dire les phrases magiques, et puis c'est pas les auditeurs qui vont me contrarier. Effectivement, on avait dit tout à l'heure la première, hein, une vie sans musique serait une erreur. Le deuxième, c'est que le rock and roll soit avec vous. Hein, ça, c'est et la musique en général, hein, parce que après vous pouvez écouter ce que vous voulez. Quand c'est bon, hein, ça, c'est ce qui compte le plus. Et puis il y en a une qui est en anglais aussi. Tu vois, nous aussi, on a des phrases en français et en anglais. Et la troisième, c'est Everything is gonna be alright. Voilà, on a toujours l'espoir que tout aille pour le mieux, même si ces dernières années n'ont pas été terribles pour ce qui est de la culture. En attendant, on espère que ça va se réveiller à nouveau et qu'on va encore passer de très bons moments et avec des moments importants dans l'histoire de la musique et du rock'n'roll en général. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on a dit presque tout. Ou alors sinon après on développe, mais là on va rester toute la nuit. Toute la nuit après. Ouais, après c'est ça. Donc en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois venu, hein, dans l'émission Mavrica. On garde le contact. Quand t'as envie de revenir, tu reviens. Si jamais un jour il y a un artiste qui passe dans l'émission que tu as envie de venir avec lui, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que je le déclare avant et puis après, il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'il faut. La semaine prochaine, justement, on va recevoir des gens ici. Est-ce que tu connais des groupes de la région de Blois? Bah écoute, comme ça, non. Non, ça ne me parle pas. Je sais pas. Nous, peut-être. Dans l'émission Mavrica, et Blois, c'est la porte à côté. Ouais, donc, il y en a quand même beaucoup qui sont venus. On a des gens qui sont venus de Tours. On a beaucoup de gens qui viennent de Paris aussi, de la région parisienne. Orléans, bah, forcément, on est Orléans, donc c'est le plus simple. Mais on a aussi des gens qui viennent de beaucoup plus loin. On en a eu qui sont venus de Brest, même une fois de reprise. Ils sont venus de Belgique, carrément. Ouais, carrément. Donc, c'était les Kassenmark qui étaient venus. Donc, la semaine prochaine, on va parler des groupes blésois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compilation qui est sortie avec une autre radio, une radio sur Blois, qui fait un peu la même chose que dans l'émission Mavrica. C'est-à-dire qu'on parle des artistes de la région. Et eux, là-bas, ils ont fait une compilation, carrément. Ça, c'est peut-être une idée aussi à lancer avec plusieurs artistes orléanais, faire un petit CD comme ça qu'on pourrait vendre. Et puis, avec les fronts, faire quelque chose, je sais pas. Mais ça serait une idée à lancer. Et eux, ils l'ont fait, donc avec plusieurs artistes blésois. Ils vont même sortir le vinyle. Donc un double vinyle avec plusieurs chanteurs, plusieurs intervenants. Alors là, je regarde un peu parmi ceux-là, il y a des gens que je connais. Hein. Il y a Jean-Luc Jousse qui, lui, est orléanais, oh bah oui, d'ailleurs. Bah, hein, Laurent joue avec lui, d'ailleurs. Ouais, Jean-Luc Jousse. Laurent joue avec tout le monde, en fait. Ah ouais. Et Jean-Luc, c'est aussi un personnage. Hein. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis pas mal de temps, qui est venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver lors des concerts. Tiens, il est là en photo. Et puis, il y a Jean-Luc Jousse. Qui c'est que j'ai vu d'autres? J'ai vu les Barricades. Voilà des gens qu'on connaît et forcément donc on va parler de ces groupes là la semaine prochaine et qui c'est qui viendra, ça sera Philippe qui viendra avec Guillaume et Philippe c'est le batteur du groupe Goodbye Watson qu'on a déjà reçu aussi ici, qui a déjà participé aussi à un Mavrica Live, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va découvrir de nouveaux artistes et aussi des artistes qu'on connaît déjà. Okay. Donc le rendez-vous est pris pour l'émission numéro 483. Et on s'approche de la 500e, donc la 500e, oui. Alors je l'ai promis à quelqu'un, donc il y aura quelqu'un qui va venir ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, c'est Polo Poletta, et on va lancer une nouvelle série, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire l'émission, pratiquement, hein, ça va être le chroniqueur, mais c'est son émission, donc on va faire avec des sujets particuliers, on va le faire avec des groupes français, je crois qu'on va faire le groupe français, on va même faire aussi avec le rock du Portugal, parce que il est d'origine ou portugais, comme moi-même, donc c'est vrai que ça nous touche un petit peu, et pourquoi pas d'autres pays, hein. Donc voilà, la 500e est déjà réservée, et puis si vous avez envie de venir dans l'émission Mavrica, le plus simple c'est de me contacter sur le Facebook, hein, ou alors vous m'envoyez un petit message sur mavrica@live.fr, ça peut pas être plus simple. Et puis donc je réponds toujours, même si des fois c'est avec un petit peu de retard, ne vous inquiétez pas, j'essaie de répondre. Si jamais je réponds pas, c'est que j'ai été submergé, que j'ai pas vu, ou alors j'ai zappé. N'hésitez pas à me recontacter, hein, parce que moi il y a de la place pour tout le monde, il suffit d'avoir un petit peu patience et on peut venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à partir du moment où vous êtes un des meilleurs artistes de la région quand même. Parce que c'est que les meilleurs que je reçois. Ah, merci beaucoup alors. Je suis très fier. Voilà, merci Albino, en tout cas. Merci de ton accueil. Et puis longue vie à Mavrica. Encore, nombreuses années encore. On a fêté parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver des radios qui invitent des artistes du coin, donc félicitations et puis bravo à toi et puis à ton émission en tout cas. Bah, merci beaucoup, moi ça me fait plaisir et puis à chaque fois c'est des rencontres et puis j'ai rencontré plein de gens super grâce à l'émission Mavrika et puis on va pas s'arrêter là, on va continuer et on va aussi dès que possible relancer les Mavrika Live. Ça c'est un petit peu le but, c'est de partager des bons moments tous ensemble et de se retrouver autour d'un bon verre et puis de la bonne musique. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, cette émission se termine et puis on va écouter donc le dernier morceau pour clôturer cette émission. Donc le dernier morceau s'appelle Ce Vélodrome d'hiver. Et notre invité aussi de cette émission numéro 482, c'est Bruno Bauer. Merci Bruno. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous fûmes surpris, tous rassemblés, proches et étrangers, vers ou pour qui, mal réveillés. Et en pressant le pape, nous ne connaissions pas alors notre destinée. Et à quoi bon trop réfléchir, oui, à se dire pour quelle promotion arrêtons-nous avec nos bicyclettes, serons-nous à la fête dans ce vélodrome d'hiver? Il ne faut pas avoir peur, car la police est là, elle nous protégera de tous les détracteurs de la propagande qui s'insinue, nous ingénue alors que la France est grande. Nous sommes fiers d'être ses fils et que l'on puisse rentrer dans ce vélodrome d'hiver. Famille, c'est le principal. C'est juste une étoile dans les gradins qui brille. Été comme hiver, il fait une chaleur d'enfer. Nous y finirons tous dans ce vélodrome d'hiver. Demain comme hier, il faudra les laisser faire. Nous y passerons tous dans ce vélodrome d'hiver. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur.